السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, nous sommes إن شاء الله تعالى samedi le 15 محرم 1428 بإذن الله عز وجل, ce qui concorde à samedi 3 février 2007 بإذن الله عز وجل. La fois passée, quand on a parlé de Aqida, on avait dit que l'offensement des noms de Allah subhanahu wa ta'ala et de ses versets aussi, qu'il y avait beaucoup de sortes. Et on s'était arrêté à l'offensement, je crois la cinquième sorte. On avait dit que Allah subhanahu wa ta'ala avait deux sortes de signes. L'ayat al-kawniya, les signes universels, et l'ayat al-shara'iya. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer par parler de l'ayat al-shara'iya, les signes juridiques. وَيَمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ مِنَ الْوَحِيِ. Le Cheikh, rahmatullah, a dit, les signes juridiques, c'est ce que Allah Azza wa Jal a révélé au prophète. Il a dit, quel Qur'an il a dit, comme le Coran, وَهُوَ آيَا. Le Coran, c'est un signe. Non, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla a mis des signes dans l'univers, le soleil, la terre, les cieux, le vent, la pluie, tout ça sont des signes, le tonnerre. La même chose, maintenant, il a d'autres signes, des signes juridiques, qui ne sont pas universels, mais juridiques. Entre autres, le plus grand signe, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala ait révélé le Coran. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, « Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq » وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Baqara 252. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons avec vérité. Et tu es certes parmi les envoyés. وَيَكُونُ الْإِلْحَادُ فِيهَا. Et offenser les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ou bien بِتَكْذِيبِهَا, en démentant, en disant non, ce n'est pas vrai, c'est-à-dire en niant, ou بِتَحْرِيفِهَا, ou bien en déformant, ou bien mukhalafatiha, ou bien en transgressant et en désobéissant. Naam, en transgressant et en désobéissant. Naam, fa takdhibuha, yani démentir les versets ou bien les nier. Mit an yaqul laysat min indillah. C'est comme que lorsque quelqu'un dit ces versets ne sont pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Le Coran n'est pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui l'a écrit. Non. Le Coran, c'est quelqu'un qui l'a écrit. C'est pas d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait descendre. Ou yukadibu bima ja'a fiha min al-khabar ma'a tasdiqihi bil asl. Et offenser Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets juridiques, ça peut être aussi reconnaître par exemple que le Coran est d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nier quelque chose à l'intérieur. Nier une chose à l'intérieur, nier une histoire, par exemple, nier une sourate, tout ça, c'est offenser Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets. Il a dit ici comme exemple, فَيَقُولُ مَثَلًا قِسَّةُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ لَيْسَ صَحِحًا. Il dit par exemple, certes le Coran est d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'histoire de Sourate al-Kahf, les gens de la caverne, il dit l'histoire n'est pas vraie, ou bien l'histoire contient des contradictions. Il a offensé Allah subhanahu wa ta'ala dans ses versets juridiques. Si ce n'est pas un kufr parce qu'il est ignorant, mais c'est un grand péché. Si c'est un kofre, c'est un grand péché, sauf, yani, c'est quoi? Si c'est vraiment un grand ignorant. Celui-là, on lui apprend le din bi-idna azza wa jal. Naam. Wa qissat ashab al-fil. Laysat sahiha. Wallahu lam yursil alayhim tayran ababil. Ou bien, il dit par exemple, comme l'histoire de l'éléphant, ashab al-fil, yani l'histoire de l'éléphant qu'on connaît tous à la fin du Coran, il dit, elle n'est pas vraie cette histoire. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle n'est pas mentionnée dans l'histoire, etc. Regardez, il dément. Naam, tout ça c'est démentir. Wa amma at-tahrif, parce qu'on a dit que l'offensement se fait ou bien lorsqu'on dément, ou bien on déforme, ou bien on désobéit. Maintenant, on a parlé de quoi? On a parlé de démentir. Maintenant, on va parler de quoi? On va parler de déformer. De déformer. نعم وأما التحريف فهو تغيير لفظها أو صرف معناها عما أراد الله بها ورسوله déformer c'est aussi offenser Allah subhanahu wa ta'ala en ces versets. Comment on déforme? C'est par exemple changer le sens de ce qu'a voulu Allah azza wa jal et ce qu'a voulu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. نعم changer le sens. Il dit صح je reconnais que ce verset et d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il déforme son sens. Comme il stawa, qu'est-ce qu'il dit? Stawa ala l'arche, il dit tawla. Allah subhanahu wa ta'ala a dit stawa ala l'arche. Yani, il s'est établi au-dessus du trône. Lui, il dit, c'est pas istawa, istawla. Il ajoute un L. Si on a ajouté un L, on a déformé le sens. C'était établi, c'est devenu, il a conquéri le trône. Et Allah Azza wa Jalla n'a pas dit il a conquéri, il a dit il s'est établi au-dessus du trône. Tu ajoutes un L, tu as déformé le sens. C'est devenu tout autre chose. C'est devenu même quelque chose de grave. Pourquoi? Parce que conquérir, ça suppose qu'il y ait deux forces qui se battent. Allah Azza wa Jalla, il y avait une force qui le contradisait et qui le contrariait. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a battu cette force, cette ennemi, et il a conquis. Le trône. C'est comme on dit X, il s'est battu avec Y, alhamdoulilah, il a conquis la ville. Astaghfirullah. Ma'adallah, astaghfirullah wa ma'adallah. C'est aussi, des fois ça peut prendre une autre sorte. C'est comme par exemple, quand j'ai lu une fois dans certains tafsir, par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de sorte al-fil, il a dit, wa arsalna alayhim. طَيْرًا أَبَابِيلْ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّلْ. Quelqu'un, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit طَيْرًا أَبَابِيلْ ici. Allah Azza wa Jal a dit وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلْ. La traduction rapprochée, on a envoyé sur eux des oiseaux par volée, qui leur lançaient des pierres d'argile. نعم تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّلْ. Quelqu'un, qu'a-t-il dit? Quelqu'un de très connu, bien sûr. Très connu, mais pas dans le manhaj salafi. C'est un moufessir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allah Azza wa Jal veut dire qu'il a envoyé des microbes. Non, des microbes et des virus. C'est pas des oiseaux qui tiennent des pierres dans leurs pattes. Non, il a dit, ce sont des virus et des microbes. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'oiseaux. Il a dit, arsalna alayhim tayran, des oiseaux, ababil, par volée, qui lançaient des pierres d'argile. Ça, c'est quoi? C'est la déformation. C'est déformé. C'est tahrif. Naam. Wa amma, la troisième sorte, wa amma mukhalafatuha, quant à transgresser les versets juridiques et désobéir, lorsqu'on ne fait pas ce que Allah nous a ordonné, ou lorsqu'on fait ce qu'il nous a ordonné de ne pas faire. Naam. C'est transgresser, c'est ou bien faire ce que Allah Azza wa Jal t'a dit de ne pas faire, ou bien ne pas faire ce que Allah Azza wa Jal t'a dit de faire. Ensuite, Ibn Taymiyyah rahmatullah, Cheikh l'Islam, a dit وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا سَمِيَّ لَهُ وَلَا كُفُوَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. C'est-à-dire en français, lorsqu'il a dit « وَلَا يُكِيفُونَ وَلَا يُمَثِلُونَ صِفَاتِ بِصِفَاتِهِمْ » ni égal à lui, parce qu'il a dit « وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَ وَتَعَالَى » et il ne peut être connu par analogie à ses créatures. Allah Azza wa Jalla, on ne peut pas le connaître par analogie à ses créatures, mais on le connaît comme il s'est décrit dans le Coran et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans la sunna. Et maintenant, lorsqu'il a dit وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُكَيِّفُونَ et il ne وَلَا يُكَيِّفُونَ c'est-à-dire il ne cherche pas le kif. On l'a déjà parlé. Ahl sunna wal jama'a ne cherche pas le kif. Comment? Comment Allah Azza wa Jal descend-il? Comment sont faites ses deux mains? Comment sont faits ses yeux? Comment ceci? Il ne cherche pas le comment, la forme, la manière. Il ne cherche pas le kif. Ils attestent que tout ce qu'a dit Allah Azza wa Jal est vrai, est véridique, et lui convient Azza wa Jal. Il a dit ici, وسبق عن التكييف ذكر كيفية الصفة. يعني c'est parler du comment, de la manière de l'attribut. Et ce nom ne parle pas du comment, mais de la manière de l'attribut. سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك. Que tu dis cela avec ta langue ou avec ton cœur. C'est la même chose. Même avec le cœur, on ne doit pas chercher. Avec le cœur, on ne doit pas chercher. Ni avec la langue, ni avec le cœur. أهل السنة والجماعة لا يكيفون أبدا. Les gens de la sunna et du consensus ne font jamais, ne cherchent jamais la manière et le comment. La yaquluna kayfiyatu yadihi kada wa kada. La sunna ou jama'a ne disent pas la forme ou la manière de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi par exemple. Ils ne disent jamais comme ça. Wala kayfiyatu wajhihi kada wa kada. Ils ne disent jamais yani la forme de son visage et comme ça, ou là ainsi, jamais. فَلَا يُكَيِّفُونَ هَذَا بِاللِّسَانِ وَلَا بِالْقَلْبِ. Ils ne font cela ni avec leur langue, ni avec leur cœur. Ni avec leur cœur. فَلَا يُكَيِّفُونَ هَذَا يعني نفس الإنسان لا يتصور كيف استوى الله عز وجل أو كيف ينزل أو كيف. Il a dit, يعني, nous, il est impossible de concevoir comment الله عز وجل est. Non, il est impossible de concevoir ni comment il descend, ni comment est son visage, ni comment est sa main. Et il a dit, premièrement, il est impossible de concevoir. Deuxièmement, il a dit, وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحَاوَلَ ذَلِكَ. Et il est illicite, il est interdit d'essayer de faire cela, d'essayer d'imaginer le comment. Pourquoi? Parce que on n'arrivera jamais. Donc c'est perdre du temps. Je dis, non seulement on n'arrivera pas, mais on risque de rentrer dans d'autres choses. On risque de rentrer dans le corps ou quelque chose comme ça. Yani à force d'essayer de comprendre une chose que Allah Azza wa Jalla a voulu qu'elle soit pas comprise, on risque de rentrer yani, dans un égarement. On risque d'être égaré, c'est sûr. Mais d'ailleurs, il a dit ici, لِأَنَّ هَذَا يُؤَدِّ لَأَحَدْ أَمْرَيْنِ إِمَّا التَّمْثِيلُ وَإِمَّا التَّعْتِيلُ. Parce que ceci va engendrer au moins une des deux choses, ou bien la ressemblance, ou bien la négation. Donc tu vas maintenant essayer de penser comment la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est faite. Je suis assis et je vais essayer maintenant de penser à cela. J'ai dit qu'il était impossible d'arriver. Il était impossible d'arriver à concevoir cette chose. Mais maintenant, donc, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien, je vais ressembler sa main, je vais dire, donc, conclusion, la main d'Allah ressemble à ma main. Ou bien, je vais nier, je vais dire, non, c'est impossible, il n'a pas de main. Et les deux, c'est un égarement. Et les deux, c'est un égarement. Non, une seconde, je reviens, ce qui ne quittera pas la porte, une seconde, Inch'Allah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a dit, ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله على العرش. Ça, Ibn Uthaymeen rahimahou a dit, c'est pour ça qu'il n'est pas permis à quiconque d'essayer de comprendre comment, par exemple, Allah Azza wa Jal s'est établi au-dessus du trône. أو يقول بلسانه أو bien qu'il dise cela avec sa langue. بل ولا يسأل ولا يسأل عن كيفية. Il ne lui est pas permis de demander le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. لأن الإمام مالك رحمه الله قال السؤال عنه بدعة. Car l'imam Malik, عليه رحمة الله, qu'est-ce qu'il a dit? Vous rappelez de l'histoire, il a dit السؤال عنه بدعة. Il a dit le fait de demander comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi, c'est une bid'a. Et par analogie, tous les autres attributs. Naam. Si tu demandes sur n'importe quel attribut d'Allah Azza wa Jal, comment est-il fait, descend-il, comment ceci, tu rentres dans quoi? Dans la bid'a. Ça devient bid'a. Mais ce n'est pas interdit de demander est-ce que Allah Azza wa Jal est décrit. Hein, est-ce qu'on le décrit par cet attribut, un attribut X ou non? Ça, ce n'est pas interdit. Naam, on veut apprendre le dîn. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala parle? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala entend? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala descend? A-t-il des yeux? Je veux apprendre mon dîn. Naam, dis-moi et donne-moi le dalil. Ça, ce n'est pas interdit. Mais nous, on parle du comment. Comment sont les choses? Comment sont ses mains? Comment sont... Le comment, hada le comment qui est interdit. Ce n'est pas l'attribut lui-même. L'attribut, plus tu connais les attributs, plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu te rapproches de lui. Mais demander le comment, hada c'est interdit en islam. C'est interdit inda la sunna ou jama'a. Ensuite il a dit, wala yumathiluna. Wala yumathiluna, c'est-à-dire que ahl sunna ou jama'a atteste que Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs, mais sans dire mitl ceci. Ils disent, il a une main, ils disent pas, il a deux mains comme ceci, comme la main de X ou la main de... Non, ils disent pas. Ils ne disent pas comme mitl, yani, qui ressemble à... Ils ne disent pas mitl, naam. Ils ne disent pas mitl. Ensuite, il a dit, naam, qu'est-ce qu'il a dit? Li ennahu, naam, naam. لأنه سبح نفسه لأنه عفوا لأنه سبحانه لا سمي له لأنه سبحانه لا سمي له نعم quand on dit سبحانه ça vient du verbe سبح يعني نزه نعم ça veut dire quoi ça veut dire نزه plusieurs fois nous on dit سبحان الله mais beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire le sens de Subhanallah. Subhan, yani ça vient du verbe sabbaha. Sabbaha, c'est-à-dire nazaha. Nazaha, c'est quoi en français? C'est glorifier. Glorifier. C'est quoi exactement glorifier? Et quand est-ce qu'on dit spécialement Subhanallah? On dit spécialement Subhanallah, ou Allah Azza wa Jal aussi le dit dans le Coran. Quand par exemple quelqu'un pense d'Allah Subhanahu wa Ta'ala quelque chose qui n'est pas bien. Par exemple quelqu'un, astaghfirullah, dit Allah Azza wa Jal est tarah. On dit Subhanallah. Subhanallah. Yani Allah Azza wa Jal est loin de ses attributs. Subhanallah. Je glorifie Allah Azza wa Jal qu'il soit un avare. Non. Quelqu'un dit par exemple Allah Subhanahu wa Ta'ala ne voit pas. Je lui dis Subhanallah. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala, je le glorifie de ce défaut. Non, il n'a pas ce défaut. Allah Azza wa Jal n'a que les plus beaux attributs, les plus beaux noms. Donc Subhanallah, ça se dit quoi? Ça se dit pour l'éloignement des défauts. Il a dit wa asluha min sabh. Et la base de ce mot vient du sabh. Quand tu dis subhanallah, sabh c'est quoi en arabe? C'est l'éloignement. Naam. Donc pourquoi l'éloignement? Parce qu'on éloigne Allah Azza wa Jal des défauts. Naam. Si quelqu'un lui colle un défaut, on l'éloigne. On dit subhanallah. Naam. Allah Azza wa Jal n'a pas de défaut. Et le tisbih, yani quand on dit subhanallah, de toute façon, on glorifie Allah Azza wa Jal en beaucoup de choses. Naam, pas seulement une chose, en beaucoup de choses. On glorifie Allah Azza wa Jal que, par exemple, il n'a pas d'associateur. Il n'a pas de shérik. Il n'a pas quelqu'un qui est avec lui, qui gère avec lui ce monde. Il n'a pas quelqu'un qui crée avec lui. Naam, on dit subhanallah. Donc, Allah Azza wa Jal, yani c'est le seul, c'est lui-même qui, le hayyu al-qayyum, c'est lui-même qui dirige cet univers, c'est lui-même, ça c'est dans la Rububiya. Il n'a pas d'associé dans la Rububiya, dans la seigneurie. Nam. Wa aidan on dit subhanallah que yani on le glorifie, Allah Azza wa Jalla n'a pas d'associé aussi dans la divinité. Car on n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'adore pas quelqu'un avec lui. Nam. Et la même chose, on glorifie Allah Azza wa Jalla, on dit subhanallah, on se concerne ses noms et ses attributs. Nam. Il a les plus beaux noms, les plus beaux attributs. On ne lui donne jamais, on ne le décrit jamais avec un défaut. Nam. Et on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, on dit subhanallah, nous le disons aidan. En ce qui concerne, par exemple, tout ce qui se passe dans ce monde. Car tout ce qui se passe dans ce monde, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a dit soit et il a été. Naam. Donc tout ce qui se passe, c'est par hikmah, avec une grande sagesse. Ce n'est pas venu comme ça, c'est venu avec une grande sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait avec une grande sagesse. Soit qu'on ait compris la chose ou qu'on n'ait pas comprise. Al-Muhim, ça n'est pas venu comme ça. Naam. Ensuite, il a dit, La samiyya lahu. La samiyya lahu. Allah Azza wa Jal n'a pas d'homonyme. N'a pas d'homonyme. Comme il a dit dans le Coran, Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'abudu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samiyya? Question. Hal ta'lamu lahu samiyya? C'est-à-dire, il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Lui connais-tu un homonyme? Ça c'est le verset 65. Quand Allah Azza wa Jal pose une question pareille, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. Il nous pose la question pour qu'on lui apprenne. Là, astaghfirullah. Il pose la question ici pour dire qu'il n'en a pas. Naam. C'est pour ça que les ulama disent, ça s'appelle su'al anistinkari. Il pose la question, mais il ne veut pas toi une réponse. Il veut te dire que yani, c'est faux ce que tu dis. J'ai donné un exemple une fois. Quand quelqu'un dit à son fils, il lui dit, suis-je menteur? Ça ne veut pas dire qu'il attend que son fils lui dise, non, mon père, il n'est pas menteur. Ça veut dire, je ne suis pas menteur. Suis-je menteur? Suis-je ceci? Quand l'Azawji lui nous dit, me connaissez-vous un homonyme? Quelqu'un qui est comme moi, qui me ressemble? Ça veut dire, il n'y en a pas. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, et même les ulama ont dit, quand Allah Azza wa Jal pose une question pareille, inkari, non seulement il veut dire qu'il n'en a pas la chose, qu'il ne l'a pas, mais encore, ça contient une deuxième chose, il nous lance un défi. Naam, ça contient le fait de nier, yani, il n'a pas la chose, et ça contient aussi le défi. Yani, je vous donne un défi que vous trouviez, que vous puissiez trouver un homonyme, mon homonyme. Naam, quelqu'un qui me ressemble, mon homonyme. Yani, c'est un défi, naam. Et là, je dis dans le camp, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُونَ أَحَدْ. Parce que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit, وَلَا كُفْأَ لَهُ. كُفُوَا et كُفْأَ, la même chose. Il a dit, وَلَا كُفْأَ لَهُ. C'est-à-dire, là, je dis dans le camp, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُونَ أَحَدْ. Tous ont dit le قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُونَ أَحَدْ. C'est-à-dire, et nul n'est égal à lui. Et nul n'est égal à lui. C'est pour ça qu'il a dit dans un autre verset, Baqara 22, il a dit, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne lui cherchez pas des égaux en sachant qu'il n'en a pas. Vous savez que l'Azur n'a pas d'égal, ni d'égaux. Alors pourquoi lui chercher des égaux? Non, tu sais que l'Azur n'a rien, il n'y a personne qui lui ressemble et il n'a pas d'égal. Et tu veux lui chercher ou bien lui mettre des égaux. Ensuite il a dit, وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Bien sûr, tout ce qu'on est en train de dire depuis qu'on a commencé, c'est toujours les noms et les attributs. Inch'Allah, bientôt, on va rentrer dans d'autres choses, on va rentrer dans, yani, autre chose qui n'a pas rapport avec les attributs et les noms, on va rentrer dans le paradis, l'enfer, Sirat, al-Hawd, al-Kawthar, l'intercession, tout ce qu'il y a yani, dans l'au-delà, l'Adab al-Qabr, la tombe, etc. Mais, ça ne veut pas dire que ce qu'on est en train de dire n'est pas intéressant. Bien au contraire, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est de Al-Sunnah et quelqu'un qui ne l'est pas. Celui qui n'est pas de Al-Sunnah, il n'aime pas les noms et les attributs. Non, ça le gêne. Il ne veut pas en parler. Il veut passer très vite. Il veut laisse les choses comme ça, naturelles, et c'est pas la peine de comprendre beaucoup. Naam. Il prétend, il y a un que c'est comme ça. Mais, en fait, il n'est pas de Ahl Sunnah ou Jama'a. Il n'aime pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme il s'est décrit. Il n'aime pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Il aime rester comme ça, flou, avoir une aqida flou, yani flou. Lui-même, il sait pas ce qu'il atteste. Naam. Donc, ça, c'est très très important. Esma ou Tefat, c'est très très important. Et c'est l'une des choses qui fait la différence entre un salafi et quelqu'un qui n'est pas salafi. Qui n'est pas salafi, au lieu d'apprendre les noms et les attributs et de les connaître, il se dit, moi je préfère, yani, rentrer dans la politique. Je préfère rentrer dans la politique, hein, m'occuper des ministres, de l'APN, des choses comme ça, plutôt que d'apprendre des choses qui ne m'aident en rien. Pour lui, ça ne l'aide en rien. Ils connaissent les noms et les attributs et ça ne le gêne en rien qu'ils ne les connaissent pas. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Ibn Taymiyyah rahmatullah a dit « وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ عَزَّ وَجَلْ » Yani, on ne peut pas faire analogie à ces créatures. Yani, par exemple, si je veux connaître subhanahu wa ta'ala, je fais analogie aux créatures. Je dis les créatures en ceci, donc Allah a cela. L'homme a deux mains, donc Allah a deux mains, et je commence à marcher par analogie. Allah a la personne a une tête, donc Allah a une tête, et comme ça. Ça s'appelle par analogie. Yani, je dis que cette chose existe chez, par exemple, la personne, donc la même chose existe chez l'autre. Il dit là, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? L'analogie, ou le qiyas, se divise en trois parties. Qiyas shumul, qiyas temsil, qiyas l'aulawiyya. L'analogie, il y a trois sortes. Il y a qiyas shumul, l'analogie de la globalité. L'analogie de la ressemblance, ça se trouve chez l'Ossolin, et l'analogie, ou qiyas l'aulawiyya, l'analogie de primauté. Ça s'appelle aussi supériorité de mérite. Les deux premières analogies, c'est-à-dire l'analogie qui est choumoul, de globalité, et le deuxième, l'analogie de ressemblance qui est temsil, on ne peut pas on ne peut pas se baser sur ces deux sortes en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on peut et on doit aussi se baser sur la troisième sorte d'analogie. C'est quoi la troisième sorte? Qiyas al-awlawiyya. Analogie de supériorité de mérite. Naam. Ou bien, ça s'appelle analogie de primauté. C'est quoi ça exactement? C'est, en général, yani, kullu kamalin fi haqqi al-abdi, fallah azza wa jalla awla bih. Toute chose, ou tout attribut qui est parfait, qui est un attribut de perfection, qui existe dans une créature, on dit quoi? On dit Allah subhanahu wa ta'ala, par primauté, il lui convient. Et Allah azza wa jal, par supériorité de mérite, c'est lui qui le mérite. Naam. C'est ça, l'analogie de quoi? De primauté. Yani, awlawiyya. Si moi je suis beau, Allah subhanahu wa ta'ala, naam, si moi je suis beau, Allah subhanahu wa ta'ala, par primauté, il est plus beau que moi. Naam, il est plus beau que moi. Si moi je suis généreux, Allah Azza wa Jal, par primauté et par supériorité de mérite, il est plus généreux que moi. Naam. Et comme ça, chaque attribut de perfection, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qui convient avant qu'il ne convienne moi. Ça s'appelle l'analogie de primauté ou bien de supériorité de mérite. Et prenez n'importe quel attribut qui est chez nous, dans la personne, qui est un attribut de perfection, Allah subhanahu wa ta'ala le mérite plus que nous. Allah subhanahu wa ta'ala le mérite plus que nous. Si tu dis par exemple, je suis X est savant, il a de la science. On dit Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Parce que la science, c'est quelque chose de quoi? C'est quelque chose, c'est un attribut de perfection. Hein? Quand on dit à quelqu'un, tu es un ignorant. Hein? Un ignorant. Et on dit à quelqu'un, mach'Allah, c'est un homme de science. Donc, la science, c'est quelque chose, un attribut perfection. Donc Allah Azza wa Jal mérite cet attribut par analogie de primauté. Non. Là, j'ouvre une parenthèse que Chir n'a pas dit ici, seulement une parenthèse de moi, bi'idna Azza wa Jal. Sakhirlahu tuboulé. Que pour dire, yani pour appliquer cette règle et dire que tout ce qui est perfection chez la créature et perfection chez Allah par analogie de primauté, il faudrait que la chose elle-même, yani, il y a un dalil qu'elle existe chez Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle peut exister. Et on ne peut pas, comme ça, de notre tête, yani, dire n'importe quoi si elle se trouve sur une personne et l'appliquer sur Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est quelque chose de perfection. Hein? On dit d'un autre, c'est une bête, c'est un idiot. Et l'autre, c'est un intelligent, machin, c'est quelque chose de perfection. Est-ce que par analogie de primauté, je vais dire Allah subhanahu wa ta'ala est plus intelligent? Je ne peux pas. Non. On parle d'une personne, on dit par exemple, Masha'Allah, cette personne est douée. Est-ce qu'on va dire Allah subhanahu wa ta'ala, par analogie de primauté, est plus douée? On ne peut pas. En parlant d'une personne, je dis cette personne est sympathique, Masha'Allah. Est-ce que Allah ta'ala est plus sympathique? Je ne peux pas. En parlant d'une personne, je dis cette personne est compréhensible, Masha'Allah. Est-ce que Allah, je vais dire de lui, il est plus compréhensible? Je ne peux pas. Non, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un délil que cette chose se dise en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il y ait un délil que cette chose se dise en Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas ouvrir comme ça les portes et n'importe qui va faire le qiyas, va faire l'analogie de primauté et dire Allah subhanahu wa ta'ala donc bab awla, yani par primauté qu'il est décrit de cette chose ou de cet attribut. Quel est le délil que on peut pas, comme je disais, on peut pas faire analogie à ces créatures, parce qu'il n'y a pas de ressemblance. Pour faire analogie, il faut que deux choses se ressemblent. Je donne un exemple. Allah Azza wa Jal a montré dans le Coran que l'alcool est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi parlé de l'alcool. Il a dit qu'il y a 10 personnes qui sont maudites dans l'alcool. Al-Muhim. L'alcool, pourquoi il est haram? Pourquoi l'alcool est haram? Parce que l'alcool, c'est-à-dire quand tu bois de l'alcool, tu deviens sous. Non. C'est à cause que deux, on devient sous. C'est à cause de, donc, on perd conscience, on perd le cerveau. Donc, par conséquent, on ne va pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est sous, au lieu de glorifier Allah Azza wa Jal, on risque d'insulter. Ça. Mais, est-ce que Allah Azza wa Jal, ou bien son prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a parlé de la drogue? Parce qu'il y a un verset qui dit le mot la drogue, le Coran, ou bien un hadith qui emploie le mot la drogue, il n'y a pas. Mais, par analogie, je vais dire, la drogue et l'alcool se ressemblent. Ils se ressemblent en quoi? Ils se ressemblent au fait que les deux saoulent, les deux. Donc ils contiennent la même cause. Donc je vais dire, par analogie, je vais dire, la drogue est haram. De toute façon, certains diront, il y a un hadith qui parle de la drogue. C'est quoi? C'est par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu muskirin khamr, wa kullu khamr haram » lorsqu'il a dit que chaque chose qui sous, c'est de l'alcool. Et chaque alcool est haram. Comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi, je voulais dire que il n'y a pas un hadith ou l'inverse qui a employé le mot « drogue » comme ça. Drogue, D-R-O-G-U-E. C'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que Cheikh Issa bin Taymiyyah a dit « Celui qui consomme de la drogue, il doit être tué. » Non, ce n'est pas celui comme celui qui boit de l'alcool. Celui qui boit de l'alcool, il ne doit être tué qu'à la quatrième fois. La première fois, il boit seulement tazer. On le frappe seulement, on le fouette. Deux, trois, la quatrième fois seulement, il doit mourir. Tandis que celui qui consomme la drogue, il meurt la première fois. Pourquoi? La drogue est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, yani, plus grave que l'alcool. Non. Vous remarquez que des gens boivent de l'alcool 40 ans et ils peuvent yani, la délaisser et faire le repentir bin azzaoul. Mais quand ils consomment de la drogue, c'est beaucoup plus difficile. C'est très difficile. Ils peuvent bin azzaoul faire le repentir, mais c'est beaucoup plus difficile que l'alcool. Allah subhanahu wa ta'ala, mada, c'est plus néfaste. Allah subhanahu wa ta'ala, l'afiya. Allah subhanahu wa ta'ala, l'afiya. Il a dit ici, Qu'est-ce qu'il a dit ici? J'ai dit qu'il n'y avait pas de ressemblance entre la drogue et l'alcool. Il y a la ressemblance. C'est quoi? C'est les deux rendent une personne, les deux rendent la personne sous. Les deux. La drogue et l'alcool. Mais maintenant, entre Allah et les personnes, aucune ressemblance. Alors, comment faire l'analogie? Comment faire l'analogie alors qu'il n'y a aucune ressemblance entre les deux? Naam. Puis il a dit, فإنه أعلم سبحانه بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. شيخ ابن تيمية أدي فإنه أعلم سبحانه بنفسه وبغيره. C'est-à-dire car il يعني الله سبحانه وتعالى car il se connaît et connaît tout ce qui est en dehors de lui mieux que quiconque. Car Allah عز وجل se connaît et connaît tout ce qui est en dehors de lui, mieux que quiconque. Ensuite, il a dit, وَأَصْدَقُ قِلَا وَأَحْسَنُ حَدِثًا مِنْ خَلْقِهِ. Et il n'est plus véridique que lui lorsqu'il parle, ni plus beau récit que le sien, ni plus beau récit que le récit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le récit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son Coran, bien sûr. Naam. Maintenant, il a commencé à expliquer, il a dit, قَالْ مُؤَلِّفُ هذا تمهيدا وتوطئة لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله تعالى من صفات سوى غيرها. Maintenant, pourquoi Ibn Taymiyyah a dit que Allah Azza wa Jalla se connaît et connaît tout ce qui est en dehors de lui mieux que quiconque. Et pourquoi il a dit il n'y a pas plus véridique que Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y a pas plus beau récit que son Coran. Pourquoi? C'est pour faire une petite introduction pour que tu acceptes donc ce que Allah Azza wa Jalla dit, puisqu'il se connaît bien. Donc, s'il s'est décrit de quelques attributs dans son Coran, c'est que tu dois y croire. Non, parce que tu reconnais que Allah Azza wa Jalla se connaît bien, se connaît. Et deuxièmement, tu as reconnu que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas plus beau récit, et il n'y a pas plus véridique que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu dois accepter qu'il dit et comment qu'il se décrit en son Coran. C'est pour ça qu'il a dit وَذَلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ قَبُولُ مَا دَلَ عَلَيْهِ الْخَبَرِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ أَوْصَافٌ أَرْبَعَةٌ. Il a dit, et c'est pourquoi on doit accepter, on est obligé d'accepter yani le sens de ce qui nous est parvenu, là, le sens en général, on doit accepter le sens d'une information. Quand on a une information, quelqu'un nous informe d'une chose, on doit accepter cette chose avec quatre conditions. Si elle remplit quatre conditions, on l'accepte. Sinon, on n'est pas obligé de l'accepter. On va voir maintenant ces choses-là, les quatre conditions, si elles s'appliquent au Coran et à la Sunna, sinon, ou si elles ne s'appliquent pas. أولاً, أن يكون صادراً عن العلم. نعم, أن يكون صادراً عن العلم. Quand quelqu'un me dit quelque chose, et cette personne qui me dit la chose est ignorante. Est-ce que je suis obligé de la croire? Je ne suis pas obligé. Et je me dis, celui-là, c'est un ignorant, il dit n'importe quoi. Non. Il faut d'abord que, yani, il parle avec science. Ou là, il me parle sans me donner d'alil. Ceci, c'est haram, halal. Oh, je n'accepte pas. Je n'accepte pas de toi. Il faut que tu parles avec science. Non. Il ne faut pas que ça soit de l'ignorance. Et quand tu n'as pas de délit, c'est quoi? C'est de l'imitation. Ça rentre dans l'ignorance. Il faut que quelqu'un, pour que j'accepte de lui, il faut qu'il parle avec science. Awalam. Deuxièmement, un sitre. Il faut la véracité. Quelqu'un qui n'est pas véridique. C'est un menteur. Est-ce que je vais le croire? Je ne vais pas le croire. C'est pour ça que dans la première condition, on avait dit quoi? On avait dit la science. Il faut qu'il ait la science. Et Cheikh Islam, qu'est-ce qu'il a dit? فَإِنَّهُ أَعْلَمُ سُبْحَانَهُ بِنَفْسِهِ. Il se connaît et car il se connaît et connaît tout ce qui est en dehors de lui. Allah subhanahu wa ta'ala se connaît. Donc il remplit la première condition. Donc l'azur, le petit ce qu'on est, quand il parle de lui, il parle avec science. Il ne parle pas avec ignorance. Et Allah Ta'ala a dit dans un autre verset, « قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمْ أَمِ اللَّهِ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمْ أَمِ اللَّهِ » Al-Baqarah 140 dit, « Est-ce que vous êtes les plus savants ou bien Allah ?» Subhanallah. Qui est plus savant? C'est l'Azawajal nous pose la question. Qui est le plus savant? C'est moi ou laissez-vous? Donc l'Azawajal, il y a ici la première condition. Il parle avec ilm, avec science. Tayyib. Yani, le Coran a été dit avec ilm. Avec ilm. C'est pas avec ignorance. Et la deuxième condition, وَمَنْ أَصْدَقُ قِيلًا. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, أَصْدَقُ قِيلًا. Il n'y a pas plus véridique que lui. Naam. Donc la deuxième condition existe. Alhamdulillah, on a, Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde sait que, yani, il ne dit que la vérité. Il ne dit que la vérité. Donc, les deux premières conditions existent. Que la chose vienne, yani, de se base sur la science et sur la véracité. Ça existe. Je trouve la troisième condition, el bayan ou le fasaha. La troisième condition, il faut qu'il y ait l'éloquence. L'éloquence quand on parle. L'âme, l'éloquence. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut dire une chose, la chose est vraie. Et mashallah, il est sincère, il ne ment pas, mais il ne sait pas me la faire parvenir. Pourquoi? Il n'est pas éloquent quand il parle. Ça existe. Non, quelqu'un, il parle avec sens, mashallah, c'est pas un ignorant, c'est un docteur, je ne sais pas où, de la faculté islamique, mashallah, c'est un docteur. Deuxièmement, il est sincère, c'est pas quelqu'un qui ment, yani, quelqu'un qui est véridique, mais il ne possède pas la troisième condition, c'est quoi? L'éloquence. L'éloquence, regardez, quand, l'éloquence qu'il y a dans le Coran, yani, qui a lancé un défi à toute l'humanité, qu'il vienne avec une autre soi qui lui ressemble. Et l'éloquence du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il parle. Il a dit, outi tu dawami al-kalim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah m'a donné une faveur et une particularité. Yani, outi tu dawami al-kalim. Yani, avec deux mots seulement, je peux dire ce que vous dites vous en des phrases et des phrases. Vous, pour expliquer ce que vous voulez, vous avez besoin de phrases, 5 ou 6 phrases. Moi, je dis seulement 2 mots. Comme ça dit le prophète, il dit, je dis 2 mots seulement et tout le monde comprend. Subhanallah, c'est pas permis à tout le monde. Là, de parler peu et faire comprendre beaucoup, ce n'est pas permis à tout le monde. Regardez le Coran. Est-ce que vous voyez, vous trouvez dans le Coran, par exemple, des choses qui se répètent? Est-ce que vous trouvez des choses qui sont en plus? Est-ce que quelqu'un peut dire, il y a une lettre qui est en plus, donc je vais l'enlever. Je vais l'enlever, cette lettre, elle est en plus. Est-ce qu'il peut l'enlever sans changer de sens? C'est impossible. Pourquoi? Tout ça, ça relève de l'éloquence. L'éloquence. Naam. Je venais de dire que c'était possible que quelqu'un parle avec science et soit véridique, mais il n'a pas d'éloquence quand il parle. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith sahih, il a dit, innama ana basharun. Je suis yani une personne comme vous. Innama ana bashar. Je suis une personne comme vous. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Et vous venez vous plaindre à moi. Vous venez vous plaindre. Wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd. Et il est possible que quelqu'un yani puisse parler et puisse yani soit éloquent et yani, c'est comment yani, présenter les choses mieux que l'autre, mieux que son adversaire. Naam. Il a dit, فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعْ مِنُهُ. Mais moi, je juge d'après ce que j'entends. Hein? Je suis, il a dit au début du hadith, il a dit, je suis un homme comme vous. Attention. Moi, quand deux personnes viennent se plaindre, j'écoute d'après ce que les deux personnes m'ont dit. Et il est possible que quelqu'un soit éloquent, il parle mieux que l'autre. Ah, naam, il parle mieux que l'autre. Donc il a dit, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأْخُضْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةٍ مِنَ النَّارِ. Subhanallah, حديث موجود في صحيح أبي داود الشيخ الألباني. Donc il a dit, si deux personnes se plaignent à moi, il y a quelqu'un qui parle mieux que l'autre, moi, je juge d'après ce que j'entends. Mais attention, attention, si je juge pour cette personne qui a bien parlé, attention, si elle sait, elle sait qu'elle est en faute et qu'elle va prendre la part de l'autre, de son adversaire. Attention, il a dit, quand elle prend, ça veut dire, je lui ai donné du feu. Non, je t'ai donné une part de feu. Je t'ai pas donné une part d'argent ou la chose dont tu es venu te plaindre. Mais t'ai donné une part de feu, tu vas trouver demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux, en parlant et en étant éloquent, tu peux lui faire croire des choses qui sont pas vraies. Et il dit, sache, tu as raison, donc c'est toi qui as raison, prends l'argent, il te donne l'argent. Alors que dans ton cœur, tu sais que c'est l'autre qui a raison. Seulement, pourquoi tu es arrivé à cela? En parlant bien. Tu es éloquent, tu sais bien parler. Alors il a dit, si ça se passe comme ça, que cette personne sache qu'elle a pris un morceau de feu. Non, elle n'a pas pris de l'argent. Elle a pris du feu. D'ailleurs, c'est pour ça que... Pourquoi il y a les avocats? Pas l'avocat, qu'est-ce qu'il dit? L'avocat, c'est parce que il sait parler. Il connaît premièrement les lois, et deuxièmement, il sait parler. Hein, il parle, il baratine, il dit non, jusqu'à ce qu'il arrive à la fin. Et vous allez me demander, est-ce que c'est possible d'être avocat en islam? Ce n'est pas possible. C'est possible seulement dans le cas où il prend les affaires qui rendent le juste aux gens. Il ne prend pas les affaires où c'est haram. Ce n'est pas quelqu'un qui a tué, ensuite il prend l'avocat et l'avocat va dire, mon client n'a pas tué. Mon client, il est, béré. Donc on dit béré. Il est béré. Il est innocent. Il n'a pas tué. Non. Alors qui sait qu'il a tué? Mais on lui a donné de l'argent. Non, innocent. On lui a donné de l'argent spécialement pour qu'il dise que il n'a pas tué. Justement parce qu'il est éloquent, il sait parler. Il va dire non, il n'a pas tué. L'autre, il est mort lui-même. Il est mort par crise cardiaque. Voilà une preuve. Regardez, j'ai été d'un médecin, j'ai l'avis de son médecin. Il dit qu'il était d'habitude, il était malade du cœur. Voilà, donc il est mort par crise cardiaque. Est-ce que cet avocat, l'argent qu'il va prendre, c'est halal, il va prendre le haram. Il va prendre le haram. Et qu'il a fait, est interdit, et il a pris du feu, il a pris de l'argent. Il a pris du feu de l'enfer dans sa poche. Le vrai avocat, c'est celui qui, quand tu vas lui dire, voilà, on m'a volé, on m'a ceci, on m'a cela, il va te défendre. Pourquoi? Pour te rendre, le bien. Entre parenthèses, reste à savoir, est-ce qu'il peut travailler avocat alors que les lois ne sont pas de la charia? Les lois ne sont pas de la charia. Et il va quoi? Il va juger avec des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre. Ni Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait descendre, ni le prophète alayhi wa sallam a dit. Donc la troisième condition existe dans le Coran, l'éloquence. Non. Et la quatrième, c'est quoi? C'est salamatul qasbi wal irada. C'est que il faut qu'il ait la bonne intention et la bonne volonté. Non. Parce que si une personne remplit les trois premières conditions, si une personne a de la science, masha'Allah, deuxième condition est véridique, masha'Allah, troisième condition est éloquente, masha'Allah, quatrième condition, est-ce qu'elle, quand elle va me parler, elle me dit quelque chose, est-ce qu'elle a une bonne intention ou une mauvaise intention? Non. La bonne intention, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Masha'Allah, tu parles avec sens. Tu es véridique, tu es éloquent. Mais qu'est-ce que tu veux par ce que tu me dis? Tu veux arriver où? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a fait descendre le Coran, et il a envoyé le prophète, pourquoi? Pour nous guider. Pour nous guider. C'est ça l'intention. Pour nous guider. Il nous veut du bien. Il veut qu'on l'aime. Il veut qu'on le connaisse. Il veut que lorsqu'on meurt, on aille au paradis. Il veut qu'on vive une vie ici. Pure, masha'Allah, une vie de pieux. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce Coran. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, « Yuridu Allahu li yubayyina lakum wa يهديكم سنن الذين من قبلكم. يعني الله عز وجل il a dit dans le Coran, Allah veut vous éclairer et vous montrer la voie de ceux qui vous ont précédé. Donc Allah عز وجل, qu'est-ce qu'il nous veut? Il veut nous éclairer. Il nous veut la guider et la guidance. Masha Allah. Donc, vous voyez la quatrième condition, il faut que la personne, même si elle est véridique, si elle est éloquente, et si elle a de la science, il faut d'abord aussi voir c'est quoi son intention. Naam, c'est quoi son intention? C'est très important. Naam. Ensuite, il a dit, وإذا كان كذلك فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو عليه. Il a dit donc, si les quatre conditions ont été réunies, et alhamdoulilah, elles sont réunies dans ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, elles sont réunies les quatre. Donc il a dit, on est obligé de quoi? D'accepter ce que Allah Azza wa Jalla a dit. Donc on est obligé d'accepter ce que Allah Azza wa Jalla a dit. Naam. Et on doit l'accepter sans le déformer. Naam. Il a dit, on va donner des exemples. Mithal ou Zaliga. Qawlu ta'ala. Mukhatib ibn Iblis. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a dit, en parlant à Iblis, il lui a dit, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadi. Allah Azza wa Jalla a dit à Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner, yani à Adam, à ce que j'ai créé de mes mains, de mes deux mains, c'est-à-dire Adam. Il parle à Iblis, il lui dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner à ce que j'ai créé de mes deux mains. Taïb. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a employé le mot quoi? Mes deux mains. Yedei. Naam, l'imarei. Mes deux mains. Taïb. Maintenant, on sait que Allah Azza wa Jal a parlé avec ilm, science. On sait qu'il est véridique. Taïb. On sait aussi que il a yani l'intention existe, vous la connaissez, la bonne volonté, il veut nous guider. Et on sait aussi l'éloquence. Donc pourquoi maintenant certains gens vont dire que les mains ici ce n'est pas les mains? Pourquoi? Là je veux parler avec science. Et yani sa parole est éloquente, est claire, est compréhensible. Tout le monde peut comprendre. Il a dit deux mains, yedei en arabe, deux mains. Pourquoi donc je vais changer et je vais dire que c'est ou bien la puissance, ou bien la faveur, ou bien ni'ma, et comme ça. Naam. Et pourtant, j'ai reconnu les quatre choses. J'ai reconnu que Allah subhanahu wa ta'ala ne mentait pas. Que Allah azza wa jalla était véridique. Que Allah azza wa jalla était éloquent. J'ai reconnu yani les quatre conditions que j'ai citées tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui va m'empêcher maintenant d'accepter ce qu'il a dit? Donc vous voyez la grande contradiction. Qu'est-ce qui va m'empêcher de reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains? Est-ce que, lorsqu'il a employé les deux mains, s'il voulait un autre sens, s'il voulait, comme disent par exemple les Asha'ira et les autres, ils disent qu'il voulait la puissance, ou il voulait la faveur, ou il voulait autre chose. Alors pourquoi Allah azza wa jalla a employé le mot main? Alors que, il a dit dans le verset, qu'il nous voulait la guider, il voulait nous guider, il nous veut la guidance. Donc comment se fait-il? Il emploie main, il veut autre chose. Donc ça c'est de l'égarement. Si Allah Azza wa Jal dit le mot main, deux mains, alors ça veut dire autre chose. Donc ça ce n'est plus awn, ce n'est plus de l'éloquence. Le Qur'an là, il ne contient plus de l'éloquence. Ce n'est plus facile. Ensuite, Allah Azza wa Jal, ce n'est plus dans la volonté de nous guider, c'est la volonté de nous égarer. Ma'azallah. Donc, s'il avait voulu, par les mains, il avait voulu la ni'ma ou la puissance, il aurait dit deux puissances. Il y a Iblis, qui est-ce qui t'a empêché de te prosterner à ce que j'ai créé avec mes deux puissances? C'est difficile pour Aspanot Allah de dire cela. C'est pas difficile. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on doit dire dans tous les attributs. Tous les attributs, on doit dire que Allah subhanahu wa ta'ala a mis le Coran et il décrit avec quatre choses, les quatre choses qu'on venait de dire. Donc il est impossible que Allah azza wa jalla ait voulu dire autre chose. Moi je maintiens ce que je lis, ce que Allah azza wa jalla, ce que je comprends, ce que tout le monde comprend. Je ne déforme pas l'essence. Ensuite il a dit Maintenant, c'était en ce qui concerne Allah Azza wa Jalla et ses paroles de Coran. Maintenant, en ce qui concerne ses prophètes. En ce qui concerne ses prophètes. C'est quoi la différence maintenant? Il a dit, ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليهم ما لا يعلمون ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. طيب on va voir d'abord c'est comment elle est en français. Je vais voir d'abord c'est quoi sa traduction en français. Une seconde, je la fais voir. طيب. Et peut-être que ça va me faire perdre du temps. Et prenez, après, Inch'Allah Ta'ala. Il a dit, Thumma Rusulu. Non. J'ai dit, Thumma Rusulu Sadiquna Masdoukoun. Thumma Rusulu, il a dit, Mtimia. Thumma Rusulu Sadiquna Masdoukoun. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. C'était juste après quoi? C'était juste après qu'il ne compare pas les attributs d'Allah à ceux de ses créatures. Car Allah n'a ni homonyme ni égal à lui. Il ne peut être connu par analogie à ses créatures. C'était juste après cela. Juste après cela, il parle maintenant des prophètes. Il a dit ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. Il a dit, Thumma Rusulu, et ses prophètes sont sadiqun, sont véridiques. Alhamdulillah. Donc les prophètes sont véridiques. Il n'y a pas un prophète qui, alhamdulillah, soit un menteur. Non, il n'y a pas. Chauffe. Un croyant simple qui n'est pas un prophète, un croyant simple, moi, toi, si on ment, ça veut dire qu'on a fait un grand péché. Mentir, c'est un grand péché. Beaucoup ne savent pas cela, croient que mentir, ce n'est pas grave. Déjà même pour éloigner la gravité du mensonge, ils vont lui donner une couleur. Ils vont dire que c'est un mensonge blanc. Ah, c'est un mensonge violet. C'est pas blanc. Non. Le mensonge, c'est le mensonge. Non. Donc, là, je vous dis dans le Coran, « إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِهِ وَأُولَيْكُمُ الْكَذِبُونَ. Il a dit ceux qui inventent le mensonge, ce sont ceux qui ne croient pas en moi. Et ceux-là sont les menteurs. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de l'hypocrite, il a dit l'hypocrite a quatre signes. Il a donné le premier signe, il a dit وَإِذَا حَدَّتَ كَذَبْ. Il a dit, et s'il parle, il ment. Subhanallah al-Azim, hypocrite. Et s'il parle, il ment. Il a quatre signes. Et le premier signe, c'est quoi? S'il parle, il ment. Naam. Les prophètes ne mentent jamais. Naam, jamais. C'est impossible qu'un prophète mente. Naam. D'abord, il a dit ici, As-sadiqu huwa al-mukhbir bima tabaqa al-waqi'. Quelqu'un qui est véridique, c'est celui qui nous informe d'une chose qui comporte avec la réalité. Quelqu'un qui est véridique, c'est lorsqu'il nous informe d'une chose, elle concorde avec la réalité. Il me dit, l'arbre qui est là-bas, c'est un oranger. Je vais voir l'arbre, je trouve ça, c'est un oranger, c'est pas un prunier. Je dis, cette personne est véridique. Il me dit, le fils de X a les yeux verts. Le fils de X, je vais voir ses yeux, je les trouve verts. Je dis, ça, cette personne est véridique. Mais, là, il y a quelque chose de très important. C'est quoi? C'est que Ahl-Sunnah ou Jama'a disent, ça c'est très important pour les talab ou l'ilma, pour ceux qui demandent la science, c'est important pour eux. Ceux qui demandent pas la science, ça ne va pas les aider ou là. Non, c'est pas un avantage pour eux. Ahl-Sunnah ou Jama'a ont dit, en islam, dans notre sharia, quand on informe de quelque chose, ou on informe sur quelque chose, et on donne une information qui ne concorde pas avec la réalité, en arabe on dit kezaba. Kezaba. Kezaba, en français ça donne, il a menti. Mais en arabe non. En arabe, quand on dit kezaba, ça a deux sens. Ou bien, ça veut dire ce n'est pas conforme à la réalité, c'est tout. Ou bien, le deuxième sens, ça veut dire qu'il a menti. Donc, c'est comme ça que disent Ashna ou Jara. Khilafan, par contre, le Mu'tazila disent non. Non. Pour dire kadaba, pour dire le mot kadaba, il faut quoi? Il faut qu'il y ait la volonté de mentir. Si quelqu'un ne ment pas, on ne peut pas dire kadaba. Alors que Ashna ou Jama disent si. Si quelqu'un dit quelque chose, même s'il n'avait pas l'intention de mentir, et que cette chose n'est pas conforme à la réalité, on dit de lui kadaba. Mais il n'a pas de ism. Pourquoi? Parce que seulement ce qu'il a dit n'est pas concorde, il est trompé, c'est tout. Mais il n'a pas de ism parce qu'il n'avait pas la volonté de mentir. Non. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu quelqu'un qui s'appelait Ibn Sanabil. Ibn Sanabil a rencontré une femme qui s'appelle Soubeya. Son mari est mort et l'a laissée enceinte. Quand son mari est mort, l'a laissée enceinte, juste après qu'il soit mort, sur seulement quelques jours ou là, elle a accouché. Donc, elle s'est dit que ma période de viduité s'est terminée. Pourquoi? Parce que la période de viduité pour une femme qui est enceinte se termine lorsqu'elle accouche. Mais il y a un autre verset qui dit quoi? Qui dit que une femme, si son mari meurt, sa période de viduité c'est 4 mois et 10 jours. Donc ici, son mari, en même temps il est mort et en même temps elle a accouché. Est-ce qu'elle se base sur l'accouchement ou bien elle se base sur son mari qui est mort, c'est-à-dire 4 mois et 10 jours? Le plus vrai, le plus juste, c'est quoi? C'est qu'elle se base sur l'accouchement. Non. Alors, Abu Sanabil, quand il a entendu dire que sa période de viduité était terminée, il lui a dit non, elle n'est pas terminée, ta période. C'est-à-dire, tu dois attendre 4 mois et 10 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit, voilà ce qu'a dit Abu Sanabil, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, kadaba, kadaba Abu Sanabil. C'est un hadith sahih, bien sûr, dont il parle albani. Kadaba Abu Sanabil. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire que Abu Sanabil est un menteur? Jamais. Il veut dire quoi? Yani, ce qu'il a dit n'est pas conforme. Non, il s'est trompé. Quand toi tu dis à quelqu'un, cette voiture là-bas, c'est par exemple une Mégane. Et moi, quand j'arrive devant la voiture, je la trouve une Mercedes. Je te dis quoi? Je te dis Kazepta. Tu as menti dans le premier sens que je veux dire maintenant. C'est-à-dire que tu as dit une Mégane et ce n'est pas conforme à la réalité. La réalité, c'est que cette voiture est une Mercedes. Donc en arabe, en sharia, je peux dire Kazepta. Mais ça ne veut pas dire qu'adepte que tu as fait un ism, comme a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith sahih du Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu quelqu'un, un des sahaba, qui s'appelle Sa'd ibn Ubada, il a entendu dire à Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Yawma, Yawmu Melhama. Sa'd ibn Ubada a dit à Abu Sufyan, il lui a dit, aujourd'hui, c'est un jour de sang. Yani aujourd'hui, on va se venger. Un jour de sang, on va faire massacre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Kadaba Sa'd. Kadaba Sa'd a menti. Kadaba Sa'd. Al-yawmu, yawma marhama. Afwan, marhama. Aujourd'hui, c'est un jour de miséricorde et de pardon. Ce n'est pas un jour de sang. Kadaba Mu'ad. Pardon, Sa'd. Sa'd ibn Ubada. Il a dit Kadaba. Donc, Kadaba ici, ça veut dire quoi? C'est, il s'est trompé. Naam, c'est pas comme ça. C'est un jour de pardon. Donc ça existe beaucoup. Si vous lisez un livre, là vous trouvez c'est écrit Kadaba, il ne faut pas que vous vous étonniez. D'abord, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire ici Kadaba. Il veut dire Kadaba. Il a un ism, ou il veut dire Kadaba, yani, ce qu'il a dit n'est pas conforme à la réalité, c'est tout. C'est pour ça que Anas radiallahu ta'ala anhu, en parlant de Ibn Sirin, très connu Ibn Sirin, il a dit Kadaba ibn Sirin. Et Aisha radiallahu ta'ala anha a dit Kadaba Anas. Kadaba Anas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est trompé. Il a dit des choses qui ne sont pas conformes à la réalité. J'avais dit que les prophètes sont véridiques. Si quelqu'un, imaginez qu'un prophète mente. un prophète dise des mensonges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, astaghfirullah, tant que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de lui qu'il dise des choses fausses. Alors, c'est impossible. Ensuite, si un prophète ment, conteste, où est-ce qu'elle est yani, le délil, conteste, vais-je le croire et conteste, ne vais-je pas le croire? Quand, si un prophète ment, aujourd'hui il va me dire, par exemple, demain quand on meurt, il y a le paradis. Il me dit, d'accord. Ensuite, il va me dire, quand on meurt, par exemple, on va voir Allah. Ah, je lui dis, non, c'est pas vrai, arrête de plaisanter, arrête. Je sais que c'est pas vrai. Non, pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de mentir. Je lui dis, non, peut-être c'est pas vrai cette chose, je ne vais pas le croire. Mais quand tu sais qu'un prophète ne ment jamais, jamais, jamais au grand jamais, ça veut dire tout ce qu'il dit, tu l'acceptes et tu dis c'est la vérité et c'est mi'na wa ata'na. Mais si un prophète mentait, khlas. S'il ment une seule fois, khlas. Non. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plaisantait dans le vrai. Des fois, il plaisantait dans le vrai, mais il ne mentait jamais. Il plaisantait dans le vrai. Quand par exemple une fois, si je me rappelle, une fois qu'il avait trouvé une vieille, il était en train de parler avec une vieille. Et en parlant, ensuite il lui a dit, que tu, les vieilles, ou là, que tu n'allais pas rentrer au paradis, que les vieilles n'allaient pas rentrer au paradis. Et elle, elle a compris qu'elle n'allait pas rentrer au paradis. Ensuite, quand il l'a laissée, elle est allée dans l'autre pièce et elle a commencé à pleurer devant Aïcha radiallahu ta'ala anha. Alors Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lui a-t-il dit? Subhanallah. Elle a dit, j'ai rien dit. Elle est en train de pleurer, elle lui a dit. Elle dit que tu lui as dit qu'elle n'allait pas rentrer au paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé et lui a dit, certes, quand je t'ai dit que les vieilles n'allaient pas rentrer au paradis, ça veut dire qu'avant d'entrer au paradis, Allah Azza wa Jal te rendrait jeune. Il n'y a pas une femme au paradis qui a 75 ans, ni un homme qui a 80 ans. Qui marche quand il ne peut pas marcher, il va dire, aidez-moi, cherchez-moi, mon dentier est tombé, kada, mes lunettes, je ne les ai pas trouvées. Ça n'existe pas, ça, dans le paradis. Donc là, avant de nous rentrer au paradis, il va nous rentrer dans un âge jeune. Je crois que les hommes dans les environs de 30 ans, et les femmes un peu moins. Non. Donc, quand il a dit à la femme que les vieilles n'allaient pas rentrer au paradis, il n'a pas menti. Aucune vieille ne rentre au paradis. Elle devient jeune ensuite, hein? Elle rentre au paradis. Donc, c'est une sorte de plaisanterie, mais qui ne contient pas de mensonge. Et la même chose, une fois, il était en train de parler avec quelqu'un, et l'autre a dit au prophète, il lui parlait d'une autre personne, je crois, de son père. Alors le prophète lui a demandé, il lui a dit, tu parles de qui? Celui qui a du blanc dans les yeux? Qui s'est étonné? Qui celui-là qui a le blanc dans les yeux? Il lui dit, celui qui a le blanc dans les yeux? Qui s'est étonné? Qui a le blanc dans les yeux? Ensuite le prophète lui a fait comprendre qu'il n'y avait pas une personne qui n'a pas le blanc dans ses yeux. Non, on a le pupille là dans le milieu. Il est noir, il est vert, il est bleu, d'après comment on l'a pas créé. Mais entouré de quoi? Entouré de blanc. Tout le monde a le blanc. Alors il est en train de plaisanter. Il lui a dit celui qui a le blanc dans les yeux. Et l'autre, bien sûr, n'avait pas compris. Et comme une fois, quelqu'un est venu demander un chameau au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je crois que c'est pour partir au djihad, quelque chose comme ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, d'accord, on va te donner son petit. On va te donner son petit. Non, mais son enfant. Alors il s'est étonné, sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je ne sais pas combien j'ai, 40 ans, là, je pèse, je ne sais pas, 70 kilos. Il va me ramener le petit Adam quand je vais monter dessus. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a expliqué. Il lui a dit, yani, je t'ai dit, je te ramène le petit par rapport à quoi? À ses deux, yani, à son père et à sa mère. Toute créature par rapport à son père et à sa mère, on dit le petit, on dit son enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'il est petit, ça veut dire que c'est un chameau normal, comme tous les chameaux. Tout chameau, même s'il a 20 ans, c'est toujours un petit par rapport à son père et à son mère. On l'appelle le petit, son enfant. Par exemple, moi qui ai maintenant plus de 50 ans, quand mon père, on lui demande, on va lui dire combien tu as d'enfants. On va dire 4, par exemple. Ça, il a 4. Et moi, je suis grand à l'intérieur. Est-ce que moi, je suis un enfant? Je ne suis pas, j'ai pas 5 ans ou 6 ans, j'ai 50 ans. Mais il va dire, c'est mon enfant. C'est-à-dire, pourquoi? Par rapport à mes parents, suis un enfant, je suis un petit. Ici, la même chose, vous voulez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, le petit. Non. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait dans quoi? Dans les choses qui, sans mentir. Moi, de temps en temps, c'est un défaut chez moi, j'aime plaisanter dans les choses qui, sans mentir. J'aime plaisanter dans les choses sans mentir. De temps en temps, je rencontre une personne, ça fait longtemps que j'ai pas vu, et on parle d'une autre personne. Il me dit, par exemple, X. Tu le vois, d'une autre personne, que les deux on connaît. Il me dit, X, tu le vois, tu lui dis, ah bon, tu ne sais pas que X est en prison. Il me dit, subhanallah, il est en prison, j'ai jamais entendu. Il me dit, tu sais pas qu'il est en prison, hein? Il me dit, non, là, je savais pas. Tu lui dis, tu sais pas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le croyant est dans la prison ici, dans le bas monde, c'est une prison pour le croyant. Donc, nous sommes tous dans une prison. Quand je t'ai dit qu'il est en prison, ça veut dire qu'il est en vie, hein, il est dans ce bas monde. Ah, écoute, Allah yahdik, Allah yahdik. Je lui dis, Allah yahdik, il n'a jamais un âme. De temps en temps, je rencontre une personne, on parle d'une autre personne, surtout si la personne est très, très connue, par exemple. Une personne, yani, qui est connue, par exemple, politiquement, là, sur la scène politique, ou là. Il me dit, par exemple, X, cette personne. Je lui dis, tu sais pas où est cette personne? Il me dit, non, je sais pas. Il lui dit, on l'a condamné à mort. Allahu Akbar, condamné à mort. Subhanallah al-Azim, il a été condamné à mort. Je lui dis, non, tu sais pas que Allah Azzawajal a dit dans le Coran, kullu nafsin da'iqatul maut. Toute personne est vouée à la mort. On est tous condamnés à mort. Il dit, Allah yadik. Amin, non. Taïb, je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisante dans quoi? Plaisanter, mais dans les choses qui sont vraies. C'est pour ça qu'il n'est pas permis. Il n'est pas permis, comme font beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des blagues sur des gens qui existent. Non. Certains font des blagues sur des personnes qui sont, par exemple, qui ont une grande responsabilité. Par exemple, un président de la République, par exemple. Non. Comme il y en avait un en Algérie sur lequel on a fait beaucoup de blagues. Non. Chaque jour, il s'assoit comme ça dans le café, il commence. Un jour, X, en parlant de cette personne, X est rentré dans un café, on lui a dit, et il commence à faire des blagues sur lui. Tout ça, c'est haram. Pourquoi? Tu accepterais que toi, on fasse des blagues sur toi, hein? On discute dans les cafés, dans les sociétés, dans les jardins, on discute seulement de toi, en faisant de toi, la personne la plus bête, non. On va te prendre comme exemple pour dire que tu es une personne bête, on va faire des blagues avec toi. Est-ce que ça ne rentre pas dans la médisance? Est-ce que cette personne accepterait que tu dises, tu fasses des blagues sur elle? Est-ce qu'elle accepterait? Est-ce qu'elle t'a donné la permission? Elle t'a dit, va parler de moi dans les cafés, dans les larmes? Sûrement qu'elle n'accepterait pas. Donc, tu es en train de te remplir de quoi? De remplir de péché et de lui enlever, tu es en train de lui enlever les péchés de son dos et de te remplir toi sur tes épaules. Certains vont dire, les prophètes ne mentent pas, ça. Et qu'en est-il de Ibrahim alayhi salam, où il est cité dans le hadith sahih, où il a dit que il avait menti trois fois. Kadabat alas kadabat. Que faites-vous de ce hadith? Naam, kadabat alas kadabat. Quant à la réponse, elle est très simple, Ibn Azzawaj. Si on voyait c'était quoi les trois, il a vu une fois. Il a vu l'étoile. Non, c'est pas celle-là. Non. Il a vu l'étoile, il a dit je suis malade. Et il a mis une pioche, voilà comment ça s'appelle, une hache, sur une statue. Il a cassé les autres, ensuite il leur a dit c'est cette statue qui a cassé les autres statues. Et il a dit à quelqu'un qui était un tyran, quelqu'un qui faisait du tort, qui voulait lui prendre sa femme, Sarah, il a dit c'est ma sœur. Et là, il n'a jamais menti, car un prophète ne ment jamais. Et ils se sont basés sur quoi? Sur lorsque Ibrahim a.s. a vu le soleil, ensuite, pardon, il a vu la lune, ensuite il a vu le soleil, à chaque fois il disait, Hada Rabbi, ça c'est mon Dieu, ça c'est mon Dieu. De toute façon, Ibrahim alayhi salam, Allah lui a donné une faveur qu'il n'a pas donnée aux autres, c'est quoi? C'est yani, savoir faire yani, le Jidel Hassan. Allah lui a donné beaucoup d'arguments quand il parlait. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا أَتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. Allah a dit, j'ai donné à Ibrahim des arguments. Quand il parle, place, il n'y a personne qui ne peut lui parler dans les arguments. Non. Quand il parle, regarde quand il a parlé à Nimrod. Nimrod, qu'est-ce qu'il a dit? Nimrod, il a dit, quand Allah a dit dans le Coran, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ. Attendez, comment ça s'appelle? Ça commence d'abord. أَلَمْ تَرَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. إِدْخَلَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ. إبراهيم عليه السلام أدي والنمرود اللي وادي الله سبحانه وتعالى سيبيكي يحيي ويميت. سيبيكي كري quelqu'un يعني quelqu'un qui est mort il le rend vivant. Et c'est lui qui en même temps يعني comment on dit tuer, c'est pas le mot tuer. يعني c'est pas يعني يوميت. Comment on dit يوميت? يحيي ويميت. Ça veut dire il rend vivant et yumit c'est le contraire. Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, disons qu'il tue. Je n'ai pas trouvé le verbe. Et le Mohim, lorsque qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit moi je rends vivant et je tue. Moi aussi. Ah bon, toi aussi? Et regardez l'argument de Ibrahim alayhi salam. C'était quoi, l'autre, lorsqu'il a dit moi aussi je peux rendre vivant et tuer? C'était quoi? Il a dit je vais vous montrer cela. Il a dit prenez les deux personnes qui sont là-bas, tuez-les. Prenez les deux personnes qui sont là-bas, tuez-les. Ensuite, quand ils les ont prises, ils voulaient les tuer, Kadin Namrod. Il a dit, tuez la première personne et laissez la deuxième vivante. Ensuite, il s'est tourné vers Ibrahim, il lui a dit, tu vois, cette personne, je l'ai tuée, donc je peux tuer, et cette personne, je l'ai laissée vivante, donc je peux faire vivre. Non, je peux tuer, je peux faire faire vivre, subhanallah al-azim. Ibrahim alayhi salam lui a dit, inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq, ta'ti biha min al-maghrib. Bon, puisque maintenant tu dis que tu peux tuer, tu peux faire vivre, masha'Allah, donc tu es un dieu, masha'Allah. Il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, regarde ce qu'il peut faire. Donc, si tu es toi aussi Allah subhanahu wa ta'ala, tu es un dieu, donc tu vas faire comme lui. Allah azza wa jal fait venir chaque jour le soleil du levant, de l'est. C'est le venir toi de l'ouest. Essaye de contrarier Allah subhanahu wa ta'ala et fais venir le soleil de l'ouest. Si tu veux venir, faire venir le soleil de l'ouest, tu es toi qu'on doit adorer. C'est-à-dire le Coran, il a dit, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Il a été affulé. Il n'a pas trouvé d'argument à dire. Parce qu'il ne peut plus rien dire. Regardez le fort argument qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala à Ibrahim. Naam. Tu veux dire que tu es un Dieu. Regarde Allah ta'ala ce qu'il fait. Allah ta'ala, il gère l'univers. Il peut faire venir le soleil d'où il veut. Alors que si tu es un Dieu, fais venir le soleil du chemin opposé que le fait venir Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas pu, et non seulement il n'a pas pu, il n'a pas trouvé d'argument. Donc, Ibrahim alayhi salam, quand il a vu le soleil et il a vu la lune, il a dit Hada Rabbi, c'est mon Dieu ou là ce sont mes dieux. Ce n'est pas, il a menti. Non. C'est pourquoi il a dit cela. Il a dit cela, les ulama ont dit, c'est comme si, yani, tu veux attirer quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans son jeu. Tu rentres dans son jeu. Car, en son époque, beaucoup de sa nation adoraient les étoiles. Adorer la lune, adorer le soleil. Maintenant, il veut leur montrer qu'ils sont faux. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va arriver, il va dire, écoutez, il ne faut pas adorer le soleil, il ne faut pas adorer ceci. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des dieux. Non. Ils ne vont pas accepter ça de lui. Peut-être qu'ils vont même le tuer. Alors, l'Azul lui a donné un fort argument. C'est de quoi? C'est de faire croire qu'il atteste la même chose qu'eux. Donc, il leur a montré la lune. Il leur a dit, ça c'est mon Dieu, la lune. Ensuite, quand la lune est partie, quand il fait jour, la lune part. Il a dit, la uhibbu al-afilin. Moi, j'aime pas les choses qui partent. Ah, donc, celui-là ne peut pas être mon Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réveillez-vous. Je vous parle à vous, réveillez-vous. Comment vous abandonnez, vous adorez quelque chose qui part? C'est impossible. Allah Azza wa Jalla, il est toujours. Il ne peut pas disparaître. Ensuite, la même chose, il a vu le soleil, il a dit, oh, hada Rabbi, hada Akbar. Ça, c'est mon Dieu, il est plus grand. Il est beau, il est mashallah. Ensuite, quand le soleil s'est couché, il a dit, là où je boule athlète, j'aime pas des choses qui disparaissent, subhanallah. Yani, vous parlez, vous réveillez-vous. Réveillez-vous, vous adorez des choses qui disparaissent. Allah subhanahu wa ta'ala est toujours avec nous, avec sa science. Toujours avec nous. Toujours, toujours. Yani, il ne disparaît pas, toujours avec nous, avec sa science. Donc, est-ce que ça c'est un mensonge? Ce n'est pas un mensonge. Et lorsque il a frappé le Hoshmou, il a chassé toutes les statues, il a mis la hache sur l'épaule du grand. Il a dit, quand ils sont venus voir, il leur a dit, c'est cette grande statue qui a cassé toutes les autres statues. Est-ce que c'est un mensonge? Ce n'est pas un mensonge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous donne un défi, je vous lance un défi. Vous savez que la statue ne peut rien faire, il ne peut pas casser. Ah. Et vous vous dites que cette statue, c'est un dieu. Or, moi, je vais faire des dégâts et casser toutes les statues et accuser cette grande statue qui est votre dieu, je vais l'accuser d'avoir fait une chose qu'elle n'a pas faite et elle ne peut rien faire. Elle va se taire et elle ne peut pas se défendre. Naam, voilà ce qu'il a voulu leur dire. C'est-à-dire il leur a lancé un défi, il n'a pas menti. Il a lancé un défi. Je vais accuser cette statue que vous dites c'est Allah, c'est moi qui vais casser, et je vais dire c'est elle qui va casser, et elle ne peut pas se défendre. Yannès, aux gens, comment c'est-il que vous adoriez une chose ou là qui ne peut même pas se défendre? Naam, je l'accuse, elle ne peut pas se défendre. Non, je fais des choses, je lui dis, toi qui as fait, elle ne peut pas se défendre librement. Comment se fait-il que vous adoriez une chose pareille? Si c'est un Dieu, comme vous dites, dites-lui de se défendre et de parler, et de dire, non, ce n'est pas moi qui ai cassé, c'est Ibrahim qui a cassé. Dites-lui de dire, il ne pourra pas. Non, c'est une preuve que quoi? Tant que vous êtes en train d'adorer une chose qui ne peut ni vous porter du bien, ni se défendre du mal. D'elle-même, elle n'a pas pu se défendre de ce mal que je viens de lui faire. Comment se fait-il qu'elle se défende du mal pas qu'elle vous défende vous? Naam. Elle ne peut pas se défendre et vous voulez qu'elle vous défende vous. C'est impossible. Et il veut dire, réveillez-vous. Il leur parle, il leur dit, réveillez-vous. Et quand il a dit, si je peux donner un exemple. Et quand il a dit que Sarah, on a voulu la lui prendre, on l'a prise, naam. Mais alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla l'a préservée. Dès qu'elle est rentrée chez le tyran qui a voulu faire la zine avec elle, dès qu'elle est rentrée la première des choses, elle lui dit, laisse-moi faire deux rak'at, laisse-moi faire d'abord la prière. Et Ibrahim alayhi salam, dès qu'on le lui a prise, les soldats l'ont prise de sa maison, il est rentré dans la salle. Allahu Akbar. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a hazabahu amr dakhala fi salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il avait un problème, il rentrait dans la salle. Directement. Ablution et salat. Naam. Avant de commencer le téléphone et les il commence direct par quoi? Il commence par Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est le premier à qui il va demander de l'aide. Il rentre directement dans la salade. Ibrahim, qu'est-ce que ça fait? Il est rentré directement dans la salade. Et elle, dès qu'elle est arrivée chez le tyran, elle est rentrée directement dans la salade. Et vous savez l'histoire, comment ça s'est passé, et que Allah l'a préservée, il n'a pu rien faire. Et deux ou trois fois, quand elle faisait la salade, elle faisait des doigts contre lui. Et deux ou trois fois, il avait la main qui devenait paralysée. À chaque fois qu'il essayait de tourner sa main, elle devenait paralysée. La troisième fois, il a dit, vous m'avez emmené un shaitan. Je vous ai dit, ramenez-moi une belle femme. Salam alaikum wa rahmatullah. Fais saute. Fakir, fais saute ou la main fais saute. Tayyib, Où est-ce que je me suis arrêté? Où est-ce que je me suis arrêté? Je ne sais pas depuis combien de temps je suis déconnecté. Est-ce que j'ai terminé l'histoire de Ibrahim alayhi salam? Ibrahim avec Sarah, j'ai terminé l'histoire. Est-ce que j'ai terminé l'histoire de Ibrahim alayhi salam avec Sarah? Quand il est rentré, quand elle est revenue, elle l'a trouvé en train de prier. Est-ce que j'ai terminé ça? Et quand j'ai dit que... Pas encore, hein? Je disais, donc je ne sais pas où j'étais, mais je disais que quand les soldats sont venus prendre quand les soldats sont venus prendre Sarah, dès qu'elle est arrivée chez le tyran, elle lui a dit, laisse-moi faire 2 rak'at. Naam. Et Ibrahim alayhi salam, dès qu'elle est sortie de lui, dès qu'on l'a prise, elle est sortie, il est rentré dans la salat. J'ai dit que regardez les prophètes, comment, quand ils avaient un problème, ils commençaient direct par demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana idha hazaba wa amra, salla, dakhala fi salat. Regardez les pieux et les prophètes comment ils faisaient. Elle, lorsqu'elle est arrivée, la première des choses, elle a dit, laisse-moi faire la salat. Elle a fait 2 rak'at et elle a fait un dua contre lui. Un dua contre le tyran, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de la préserver. Dès qu'il a jeté sa main pour la ramener vers lui, quand elle avait terminé la salat, sa main s'est paralysée. Ensuite, il lui a dit, Yani, fais-moi des doigts pour que Allah me rende ma main normale. Elle lui a fait des doigts, Allah lui a rendu la main normale. Ensuite, il a voulu la prendre une deuxième fois, elle a fait des doigts contre lui, Allah ta'ala lui a paralysé la main. La deuxième fois. La troisième fois, quand il a essayé de la prendre, elle a fait un doigt, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a fait tomber par terre et il a commencé à trembler comme tremble quelqu'un qui est habité par un djinn. Il lui a dit, khalas, c'est terminé, yani, fais-moi seulement un doua, je me relève, la dernière fois. Ensuite, il s'est relevé et il a dit, vous m'avez ramené un shaitan. Il a dit, je vous ai dit de me ramener une femme, une belle femme, parce qu'il aimait les belles femmes. Vous m'avez ramené un shaitan. Et il l'a libéré et lui a donné comme cadeau Hajar, que Ibrahim alayhi salam allait épouser comme deuxième femme. Et quand Sarah est partie avec Hajar, elles sont arrivées chez Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'ils l'ont trouvé? Elles l'ont trouvé en train de faire la prière, mashallah, toujours dans la prière, en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de libérer sa femme et de le faire sortir de ce grand problème où il est tombé. Et Ibrahim alayhi salam, quand il a vu sa femme rentrer, hein, il n'a pas quitté la salat. C'est pas khlas, il a vu sa femme, il oublie la salat, il oublie la khlas. Il est resté dans la salat, il a continué la salat. Et il a fait un geste comme ça, en étant dans la salat, il a fait un petit geste comme ça. Il a dit, même il a même parlé, il a dit, Mahim. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé en faisant un geste comme ça de la main? Elle lui a répondu, et lui, dans la salat. Comme on a vu la fois passée, qu'on pouvait parler à quelqu'un qui est dans la salat. Elle lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a préservé, et la qadradda kayd al-kafir fi nahri. Allah azza wa jal a rendu, yani le ce que m'a fait le kafir hada, elle lui a rendu sur son dos, yani le shaitan hada. Naam. Donc regardez Anis comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait libérer cette femme qui a eu recours à lui et son époux qui a eu recours à Allah subhanahu wa ta'ala, et comment les prophètes en général et les pieux, dès qu'ils avaient un problème, ils rentraient dans la salat. Alors que de nos jours, les gens, dès qu'ils ont un problème, ils laissent la salat. Allah al-musta'an, naam. Autrefois, dès qu'on a un problème, on rentre dans la salat pour demander à Allah de nous aider. Cela, certains gens, dès qu'il y a un problème, ils laissent la salat. Toi, pourquoi tu ne fais plus la salat? J'ai pas trouvé de travail. Ah, je peux pas. Quand, inchallah ta'ala, je commence à travailler, je fais la prière. Toi, pourquoi tu fais plus la salat? Ah, moi j'ai eu des problèmes, je suis marié, j'ai pas pu, là je peux pas, donc il est fitna, donc après je fais la salade, subhanallah. Au lieu de renforcer son cœur et alléger les soucis et alléger les problèmes en faisant la salade, en demandant de l'aide à Allah. Maintenant, on s'éloigne d'Allah, on laisse la salade et on croit que ça va être la solution de nos problèmes. C'est le shaitan. Regardez le shaitan, comment il dit. Le shaitan, comment il dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Wasta'inu bis-sabri was-salah. Inna Allah ma'a sabirin. Allah ta'ala dit, aidez-vous, sta'inu. Aidez-vous en quoi? Comment je m'aide? Bis-sabri, avec la patience, was-salat et la salat. Deux choses, la patience et la salat. Pourquoi la patience ne suffit pas? La patience ne suffit pas. Car l'âne, on le laisse de 6h du matin jusqu'à 18h, comme ça, attaché à un piquet, sans boire, sans manger, il reste. Miskin, 12h, il est patient. Mais où est la salade? On voit des gens qui ne croient pas en Allah, des athées, qui peuvent patienter 5, 10 ans, sans travail, sans ceci. Mais où est la salade? Nous, on est croyants. Il nous faut la patience plus salade. La patience elle-même ne suffit pas. Naam. Alors, Ibrahim a.s., qu'est-ce qu'il a dit? Quand on a voulu prendre Sarah, il a dit, c'est ma sœur. Est-ce que ça c'est un mensonge? Est-ce que Sarah n'est-elle pas sa sœur deux fois? Sa sœur de Adam et de Hawa. Moi, toute femme est ma sœur. Même la kafira. La kafira, c'est ma sœur. Comment elle est ma sœur? Elle est ma sœur en ce sens que la kafira est venue de Adam et elle est venue de Hawa. Elle n'est pas venue d'autre chose. Non, une personne on voit des sites férés. D'accord. Inch'Allah, cherchez-moi seulement où est-ce qu'il est. Cherchez-moi. Dorou le takfiri, cherchez-moi où est-ce qu'il est. Pour que je le chasse. Et deuxièmement, quand il a dit que c'est ma sœur, ça veut dire sa sœur quoi? Ça veut dire sa sœur en Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sa sœur en Allah. Parce que elle était croyante comme lui, bi-idnillahi azza wa jal. Naam. Voilà ce que je voulais dire inshallah ta'ala pour aujourd'hui. Si j'ai dit juste Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé, si j'ai dit pour c'est moi et le shaitan, wa subhanak allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Cherchez-moi où se trouve Dawru. Dawru, où est-ce qu'il est? Je ne l'ai pas trouvé, il est parti. Donnez-moi son pseudo, yani le vrai. Est-ce qu'il s'appelle seulement Dawru ou là, quel est son vrai pseudo pour le mettre avec l'admin, afin qu'il ne puisse pas rentrer. Non. Vous envoyez, inshallah ta'ala, vos questions. Vous envoyez, inshallah, vos questions aux frères et aux sœurs. On se rencontre, inshallah ta'ala, dans 10 minutes. Je demande aux frères et sœurs d'accepter les questions qui n'ont pas rapport avec le cours. Et vous les mettez à la fin. Vous les mettez à la fin. Comme ça, quand on termine avec ceux qui ont rapport avec le cours, on répondra, inshallah, aux questions qui n'ont pas rapport avec le cours. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum, j'avais dit que... Ça y est. J'avais dit que pour les mains levées, J'avais dit que les mains levées, on les laissait dans les quand on fait question libre. Quand on fait question libre, on fait seulement à main levée. Comme ça, dans le DAS, on fait de préférence avec, on envoie les questions à ceux qui sont dans la salle, pour qu'il n'y ait pas de, car c'est difficile faire passer ceux qui ont levé la main et faire passer les questions des autres, c'est un peu difficile. Mais s'ils veulent laisser la main levée, ils laissent. Si les questions se terminent, on passe à ceux qui ont levé la main. Allah subhanahu wa ta'ala, amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est saut. Elle fait saut. Tayyib. Alhamdulillah. Sauf, je parle à ceux qui m'ont envoyé. Non, je m'adresse à ceux qui m'ont envoyé des lettres ces jours-ci. Maintenant, j'ai tellement de courriers que yani, certains sont pressés, surtout certains sortent, mais j'ai tellement de courriers que je ne peux pas répondre très vite. C'est pourquoi je dirai à celle ou à ceux qui m'ont envoyé le courrier, s'ils sont là ou là, elles sont là, elles peuvent envoyer ou là, ils peuvent envoyer aux frères ici et le frère et ou là la sœur, ou bien ils disent par exemple à propos de telle chose et je répondrai directement, ou bien ils donnent par exemple leur adresse, ils disent moi par exemple c'est Ibn Kathir Hotmail. Et les frères et les sœurs ici dans la salle me le donnent en privé. Moi, quand je lis que c'est par exemple Ibn Kathir Hotmail, donc je sais c'est quoi sa lettre. Je vais répondre sans dire que c'est Ibn Kathir, parce que l'adresse, vous me l'avez envoyé en PV. Donc, c'est d'après celui qui veut que je réponde comme ça dans la salle, d'après celui ou celle qui veut que je lui réponde, yani, sans que personne ne sache que c'est lui ou là que c'est elle. Non, on donne seulement son nom et moi je vois dans mon courrier. Fadal Faqir Allah, quelle est la première question, Inch'Allah? Cheikh, quand vous dites Bismillahir Rahmanir Rahim, quand vous dites qu'Allah est avec nous avec sa science, qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que la croissance en islam et quel est son sens dans la surah Al-As? Non, trois questions, Faqir Allah, trois questions c'est beaucoup. Cheikh, trois questions, c'est beaucoup. Il y a des gens qui attendent. Trois questions, c'est beaucoup. Non. Allez, une seconde. Je commence. Donc, je réponds à deux questions, Inch'Allah. Quand vous dites qu'Allah est avec nous, avec sa santé, ça veut dire Naam, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, établi au-dessus de son trône. Et sa science est avec nous. Naam. Beaucoup disent, Allah est avec nous, avec sa science. Cheikh Salah al-Sheikh a dit de préférence, on dit sa science est avec nous. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, quand il a parlé à Moussa ou Haroun, il leur a dit d'aller chez Pharaon, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabbana, innana nakhafu an yafruta alayna aw yatgha. Qala la takhafa, innani ma'akuma asma' wa ara. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Asma'u wa ara, j'entends et je vois. Donc, je suis avec vous. C'est pas moi qui suis avec vous. Moi, je suis au-dessus du trône. Au-dessus du trône. Ar-Rahman, al-Arsh istawa. Naam. Mais il est avec nous de par sa science. C'est-à-dire, rien ne lui échappe. Tout ce qu'on fait, il le sait. Tout ce qu'on dit, il entend. Voilà qu'est-ce que ça veut dire. Sa science est avec nous. Et qu'est-ce que la patience en islam? Naam. La patience, c'est quand on... Ça dépend, il y a plusieurs sortes de patience. Non, il y a plusieurs sens. Il y a au moins trois sortes. Patienter pour faire ce que Allah nous a ordonné. Patienter pour ne pas faire le haram. Et patienter pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans le destin. Non, dans le destin, la prédestination. C'est pour ça que Al-Sunna ou Al-Jama'a disent, Al-Sunna ou Al-Jama'a, Yasbiruna ala al-ma'ay hatta yif'aluh, wa yasbiruna ala al-mahdur, ay hatta la yif'aluh, hatta yibta'idu anhu, wa yasbiruna ala al-maqdur, ala al-shay alladhi qaddarahu لهم الله عز وجل. نعم تفضل إن شاء الله. أدوزم كيسوم عبد الله تفضلي. Lorsque Allah Azza wa Jalla parle dans le Coran, il emploie souvent le mot « nous ». Pouvez-vous m'expliquer ? Naam. Cela dépend où il l'emploie. Des fois, Allah Azza wa Jalla dit « nous » et il est en train de parler de lui. Ça veut dire, il veut dire que « nous al-adama ». Ça veut dire, c'est comme quelqu'un, une personne à qui yani, on respecte beaucoup. Comment, qu'est-ce qu'on lui dit en français ? On lui dit pas « toi », on lui dit « vous ». Est-ce que vous faites ceci, vous faites cela, vous, alors que c'est une seule personne. L'Azawajal, des fois, il dit nous, en ce sens. Il est Abamatehi, parce qu'il est lui, le grand, le majestueux, le sublime. Et des fois, il dit nous, et il parle par exemple des anges. Naam. Wa nahnu akrabu ilayhi min habli l'warid. Wa nahnu, et nous sommes plus près de lui que la veine. La veine a dit habli l'warid. Comment ça s'appelle la veine, elle a un nom. Il parle ici des anges, nous. Donc ça dépend du contexte, ça dépend où Allah Azza wa Jalla a dit nous. Est-ce que c'est pour montrer que c'est lui le sublime, le majestueux, ou là il est en train de parler d'autres. Naam. Fadlan, inshallah, c'est pas qui, inshallah, Salafia ou la Ur Salafia. Alaykoum salam, est-il permis de faire la prière derrière une personne qui dit qu'on ne peut pas dire qu'Allah est dans un endroit? Et celui qui dit ça, c'est un kafir. Il dit aussi qu'Allah est partout. C'était un élève de Sha'raoui. Je crois, wa wallahu alam. C'est un Ash'ari. Est-ce du kof de dire et de croire qu'Allah est partout? Jazakallahu khairan. Et on ne peut pas dire d'une personne qu'elle est kafir. On dit que la personne a dit du kofr. Naam, la personne a dit du kofr. Pourquoi ? Parce que cette personne a des shubuhat. Elle a des shubuhat. Et les shubuhat peuvent être des excuses pour qu'elle ne devienne pas kafir. Quelle est par exemple l'excuse ? Quelle est ces shubuhat ? Cette personne par exemple a dans le cœur que Sha'raoui c'est un grand alim. Et que par exemple Sha'raoui dit qu'Allah Ta'ala est partout. Ensuite, marchant, se basant sur cela, il va dire lui qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala est partout. Donc celui-là, il n'est pas devenu kafir. Pourquoi ? Parce qu'il a imité. Il aura un ithm, il aura des péchés pour avoir imité et ne pas avoir cherché la vérité. Mais on ne peut pas dire que c'est un kafir, jamais. Pourquoi ? Parce que لم تقوم عليه الحجة بعد ثم هو جاهل جاهل نعم. Celui-là, si tu peux, et il y a un imam mieux que lui, tu fais la prière derrière le deuxième imam, celui qui est mieux que lui dans l'autre mosquée. Si tu ne peux pas, tu fais la prière derrière lui, car il est muta'awil, car il est muta'awil. Tu fais la prière derrière lui, ta prière est valable bi'idhnillah à 100%. Et c'est lui qui yani, prend la responsabilité de sa aqidah. C'est lui, comme a dit Hassan Basri, quand on lui a dit... Est-ce qu'on fait la prière derrière un muftadir? Il a dit, fais la prière derrière lui et sa bid'a est contre lui. La bid'a n'est pas contre toi. Sa bid'a c'est contre lui. Naam. Comme a dit Ibn Hajr al-Asqalani dans Fath al-Bari. Donc voilà la réponse. Si tu trouves quelqu'un de mieux que lui, tu fais la prière derrière le mieux. Si tu ne trouves pas, tu fais derrière celui-là et tu ne fais pas la prière à la maison. Tant que c'est un ignorant, un imitateur aveugle. Naam. Prochaine question, inshallah ta'ala. Naam, je n'ai pas de question hors cours. Faqirullah, lahza, on commence par ceux qui sont dans le cours. Lahza. Taïb, maintenant je suis en train d'ouvrir ma boîte pour voir ceux qui m'ont envoyé leur nom, pour voir c'est quoi leur question. Je demande aux frères et aux sœurs qui m'envoient des questions de ne pas m'envoyer sur le hotmail. Naam, je demande de ne pas m'envoyer sur le hotmail, mais de m'envoyer à apprendre l'islam. Ne m'envoyez plus au hotmail, je risque de ne pas vous répondre. Envoyez-moi, inshallah, à quoi ? À apprendre l'islam. Bi-idhnillah ta'ala. Naam. Comme Abdallah dit, il y a une sœur sur le rousl. Naam. La sœur sur le rousl, est-ce que c'est elle? Elle a posé 4 ou 5 questions. 4 ou 5 questions qui se passent avec le mari. Si c'est ça là, dis-moi. Si seulement sur le rousl, je n'en ai pas encore trouvé seulement une seule question sur le rousl. Naam. Tayyib. Je suis en train de chercher maintenant cette personne. Tayyib. La première personne qui m'a envoyé ici, la première personne. Ah, Tayyib, c'est quoi qui l'annule? Naam. La première personne qui m'a envoyé maintenant son nom ici, X, qui commence comme ça, regardez. Ça commence par, attendez, je vais vous dire. Ça commence par H. Et ça finit par I. H, Kada, ensuite un autre nom, ça finit par I, Hotmail FR, Hotmail. Celui-là, je ne l'ai pas trouvé. Non, je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit, il faut que vous me donniez le nom qui se trouve, yani l'adresse qui m'arrive. Quand la lettre m'arrive, regardez, je vous donne un exemple. Maintenant, j'ai ma boîte qui est ouverte devant moi. Regardez les noms qui m'arrivent. Hein? Par exemple, Rezouani Hussein. Non, Om Hafsa. Kaza. Selsabil, de la Fond Jacob, Oumeima, Ortfidla, Oupilo, Agda, donnez-moi des choses que je vois comme ça. Quand je vois ton nom, je vais direct ouvrir et je vais lire et je vais te rendre la réponse comme ça directement. La rendre directement. Mais celui qui a envoyé celle-là, je ne connais pas ce nom. Qui commence comme ça. J'ai bien vérifié, j'ai pas ce nom. Naam. Ça y est, en ce qui concerne la sœur qui a posé la question sur le rousl, qu'est-ce qui annule le rousl? Qu'est-ce qui annule le rousl? Le rousl l'annule. Et on doit faire le rousl à cause des menstrues, à cause de la djanaba, et à cause, si l'homme et la femme, l'homme et son épouse, si yani, il y a eu ce qu'on appelle pénétration, même s'il n'y a pas eu de jouissance. Dès que les deux parties intimes se sont rencontrées, et il y a eu quelque chose qui est rentré. Non, il y a quelque chose, même un petit bout, il faut aller faire le rousl, même si on n'a ni rien ressenti, ni joui. Il faut aller faire le rousl. Et il y a aussi la djanaba, quand on dort la nuit, et on trouve qu'on a un liquide dans les vêtements. Même si on ne se rappelle pas ce que c'est, on doit faire le rousl. On dort la nuit, dans le rêve. On se rappelle pas avoir vu quelque chose dans le rêve. Et quand on se réveille, on trouve le vêtement qui sont mouillés. Ça veut dire qu'on doit faire le rousl. Donc je répète, les menstrues, quand on termine aussi les lochis, bien sûr, la djanaba, le rapport avec l'homme et la femme, ensuite le songe, quand on a les vêtements qui sont mouillés, et ensuite pénétration, même si il n'y a pas la jouissance. Juste une chose qui pénètre, on doit faire le rousl. Les deux doivent faire le rousl. Naam. Tayyib. Maintenant, c'est ici la question. Ourt Salafiya dit, salam alaikum. Est-il permis de faire la prière derrière une personne? Ah, là, ça, on l'a dit. Tayyib. Posez une autre question, Inch'Allah, le temps que je vois la question de l'autre personne. Naam. Pour la sœur qui m'a envoyé, Naam, j'ai lu pour la sœur qui m'a envoyé, me parlant d'une sœur qui lui téléphone presque tous les soirs, et qui a le cas de son mari l'a divorcé 5 ou 6 fois, et qu'il ne veut plus la lâcher, et qu'elle téléphonait beaucoup à Abdelmalik Ramadan, etc. Je dirais, naam, si quelqu'un divorce plus de 3 fois, elle ne peut plus être sa femme. Sauf si dans un cas où, lorsqu'il a divorcé, il était dans un état de colère où il ne savait plus ce qu'il disait. Non, s'il était dans un état de colère très grand, il ne savait plus ce qu'il disait, celui-là, son divorce, bi'idna'azawjul, ne compte pas. Mais si quelqu'un est comme nous, comme ça, un peu énervé, ensuite il lui dit qu'il est divorcé. Celui-là, classe, elle est divorcée. Sauf, dans un cas, mashallah, ça peut être une issue, laquelle? Si je dis à une femme, tu es divorcée, et avant de la rendre. Hein, je ne l'ai pas encore rendue, grâce, elle est divorcée. Je lui dis encore, tu es divorcé. Dans ce cas, ça ne compte pas, ça ne compte qu'une seule fois. Mais si je dis à une femme, tu es divorcé, ensuite, je la fais rendre, soit avant la période d'individuité, soit après. Je la fais rendre et je lui dis, tu es divorcé la deuxième fois, elle est divorcée. Ensuite, la troisième fois, elle ne peut plus être mariée. Elle ne peut plus être avec ce mari. Ça veut dire, si elle fait un rapport avec lui, elle est dans la zina. Elle est dans la zina, il faut qu'elle se débarrasse de lui. Qu'elle se débarrasse de lui, quitte à, je ne sais pas où à arriver. Il faut qu'il sache que c'est terminé, c'est terminé. S'il ne veut pas, elle aura recours à ses parents, elle aura recours au tribunal musulman, elle aura recours à qui ? Au ulama. Elle lui dit, viens avec moi, on va téléphoner au ulama. S'il dit, tu es mon mari, tu es mon mari. S'il dit, tu n'es plus mon mari, smahli, je ne suis pas folle de rester dans la zina. Je ne suis pas folle de rester dans la zina. Donc maintenant, est-ce que quand il a divorcé, est-ce que vraiment il était dans un état de colère où il ne savait pas ce qu'il disait ? Ça revient à lui. Je ne peux pas savoir ces choses. Lui sait, et Allah Azza wa Jal sait. Moi, je ne peux pas savoir ces choses. Moi, je vous dis seulement comment c'est en islam. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'aider cette sœur et de guider nos frères qui, pour un rien, disent à leur femme, tu es divorcé. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Taïb, est-ce que c'est terminé les questions ici, dans la salle ? Pour certifier, j'en ai posé une plus haute. Je ne la vois pas. Tu as écrit en violet. Je ne la vois pas. Pourtant, violet, c'est très visible. Je ne la vois pas. Je vois celle. Est-ce qu'on peut faire la prière derrière quelqu'un qui est Ash'ari ? Je viens de répondre, Inch'Allah. C'est la seule que je vois. Naam. Taïb. Nadi, d'accord, je vais répondre une seconde. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, je vais répondre. Salam alaikum, salam. Vous avez parlé de l'alcool et de la drogue. Quel est le jugement sur le tabac ? Lorsqu'on prie pour demander quelque chose, peut-on dire le dua ? La ilaha illallah, al-halim, al-karim, wa subhanallah, rabbil arshi, al-azim, alhamdulillahi, rabbil alamin. Tu dis au frère Hussein, qu'elle ne m'est pas arrivée. Non, cette lettre ne m'est pas parvenue. Il a envoyé à apprendre l'islam. Elle ne m'est pas parvenue. Peut-être qu'il s'est trompé en écrivant apprendre l'islam. Peut-être qu'il a oublié un E ou là il a ajouté quelque chose. La lettre ne m'est pas venue avec ce nom. Avec ce nom, je n'ai pas une lettre pareille. Non. Il lui dit comme ça. Avec ce nom, je n'ai pas une lettre pareille. D'ailleurs, toutes les lettres sont en face de moi maintenant. Non. Toutes les lettres sont en face de moi. Il n'y a pas ce pseudo. طيب je réponds à cette personne. Quel est le jugement sur le tabac? Le tabac بإذن تعالى est haram. Le tabac est haram. Pourquoi? Parce qu'il est très néfaste. Et il fait très mal et il donne le cancer. Ceux qui ont dit autrefois, il y a des centaines d'années, ceux qui ont dit c'était seulement makruh, car la médecine n'était pas assez mutatawwira. La médecine n'avait pas atteint ce stade yani de mashallah de perfection où ils ont su maintenant quelle est la gravité du tabac. Naam. Autrefois ils disaient ces makruh, ils n'ont jamais entendu que quelqu'un pouvait mourir avec le tabac ou avec le cancer. Quand ils mouraient, ils croyaient que c'est une mort normale. Ils ne savaient pas que c'est à cause du tabac. Maintenant, il y a des millions, c'est pas des milliers, des millions qui meurent chaque année à cause du tabac. Celui-là, qu'est-ce qu'il va dire demain à Allah subhanahu wa ta'ala ? Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, je t'ai donné une âme en dépôt chez toi, un mana. Et je t'avais demandé de la purifier, de la préserver. Et toi, tu as fait le contraire. Non, tu l'as rendu malade, tu l'as esquinté. Tu t'es suicidé, c'est comme un genre de suicide, et tu es mort. Tu es mort à cause du cancer qui est venu, à cause du tabac, Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Ensuite, Allah Azza wa Jal fera venir des milliers, si ce n'est des millions, si c'est des milliers de paquets de cigarettes que tu as fumées. Et il te dira l'argent que tu as dépensé à cause de tout cela. Car chaque personne doit être questionnée sur quatre choses. L'une des quatre choses, l'argent. D'où tu l'as eu et où tu l'as dépensé. Quand tu comptes, toi, essaye de prendre une calculatrice et compte en 20 ans ou 25 ans combien d'argent tu as fumé comme ça qui se sont évaporés dans l'air. Tu vas trouver, tu as fumé des millions. Tu as brûlé dans le feu des millions. Alors que ce jour-là, ce sera très difficile de répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Très difficile. L'argent, c'est un dépôt aussi. Tu as donné de l'argent et tu as dit, tu ne fais avec cet argent que ce que je veux moi. Alors c'est très difficile de lui dire, j'ai envoyé tout ça en fumée. Très très difficile. Demain. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Ensuite, la troisième des choses, supposons que le tabac ne soit pas haram. Alors qu'est-ce qu'il est? Disons seulement makruh. Il n'est pas haram, il est makruh. Il est makruh. Makruh de qui? Hein? Qui est-ce qui ne l'aime pas? Il est makruh. C'est Allah qui ne l'aime pas. Il est makruh. Allah yakrahuhu. Alors pourquoi tu fais quelque chose que Allah yakrah? Pourquoi tu fais quelque chose que Allah Azza wa Jal n'aime pas? Naam. Donc, inshallah ta'ala, ne nous trompons pas, bi'idhni Azza wa Jal. Ne nous trompons pas. La cigarette est haram. La cigarette est haram. C'est un péché. Tu brûles de l'argent. Tu te fais mal dans la santé. Le prophète alayhi salam a dit la darar wa la dirar. Allah ta'ala a dit la tulqu bi aydikum ila tahluka. Et ensuite, tu te donnes une mauvaise odeur aux gens et aux anges qui viennent assister à la salat. Donc tout ça donnera que le pieux, c'est celui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner de lui ce vice. Car Allah Azza wa Jal, c'est lui qui commande. Il a dit dans le Coran, Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, c'est pas lui le meilleur des commandeurs, alors c'est lui qui nous commande. Il a dit dans le Coran, Ala lahu al-khalqu wal-amr, n'a-t-il pas la création et l'ordre, c'est lui qui donne les ordres. Maintenant, toi, c'est la cigarette qui te donne des ordres, subhanallah. Elle donne des ordres avec Allah. Et contre ce que veut Allah. Allah dit, ne faites pas ceci. Elle dit, fais ceci. Il faut maintenant que tu me fumes. Maintenant, il faut que tu m'allumes. Sinon, je vais te faire des problèmes. Tu vas avoir des maux de tête. Tu vas devenir faible. Tu vas devenir jeune. Et tu vas, je ne sais pas, tu vas tomber malade pour ne pas avoir fumé. Subhanallah. Khlas. Elle court avec le sang. La cigarette, c'est elle qui me commande. Je ne peux pas rester libre comme ça, comme tout le monde, et me commander. Elle me donne des ordres. Elle me dit, maintenant, il faut que tu m'allumes, que tu veuilles ou pas. C'est elle qui commande. La hawla wa la quwwata illa billah. Le croyant, sauf Allah le commande. Sauf le Coran et la Sunna. Il n'y a rien qui me commande. Non. Aucune chose ne doit me commander. Surtout si cette chose, c'est haram. Alors je demande à mon frère de ne pas se tromper, bidna azzawli, ne pas se faire tromper, et qu'il dise que c'est haram, et qu'il demande à Allah Ta'ala de l'aider à éloigner de lui ce vice, et nous on te fait un dua. Talibin min Allah azzawajal, an yahdiyaka, wa an yub'ida anka, hadha ash-shar, wa an yu'afiyaka minh, wa an yunazzila as-sakinata ala qalbik. وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وأن يحبب إليك الإيمان وأن يزينه في قلبك أنت وجميع من هو مبتلى بهذا المرض. Deuxième question, l'offre compris. Pour demander quelque chose à Allah, peut-on dire le doua La ilaha illallah, Al-Halim, Al-Karim, Subhanallah, Rabbil Arsh Al-Azim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. C'est quoi la dernière des choses? Qu'est-ce qui peut m'expliquer la dernière des choses? Qu'est-ce qu'il a dit ici? La dernière des choses, elle dit, رحمتك وعزائم مغفرتك. أبقي كاسكيليا أبقي عزائم مغفرتك كاسكيليا. نعم والله أعلم. Je crois que j'ai compris. عزائم مغفرتك والاستقامة والاس قد استقامة عزائم مغفرتك. طيب pas très bien compris, mais je veux lui dire seulement, pour ne pas y aller beaucoup perdre de temps, je veux dire à mon frère que ce hadith est daif. Je veux dire à mon frère que ce hadith est daif. Quand tu veux demander à Allah subhanahu wa ta'ala une chose, y aller, commence par Ismata. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Aram, comme on dit, Wal Ismata min kulli zambin. Je ne vois pas ça, la ou la quoi que ce soit. Je veux rahmatik wa mon frère, je veux dire à mon frère ou à ma soeur que ce hadith, n'am, ce hadith est daif. Ce hadith est daif bi idna azza wa jal. Quand on veut faire un doua, nahmadullah subhanahu wa ta'ala, on fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on fait un doua. On a dit quiconque se trouve dans le domaine qu'il fasse ablution de la carte, ils disent Salat ou al-Nabi, ici ce doua. Non, ce doua est daif. Ce doua est daif. Faqirullah, le téléphone de Abdelmalik Ramadan, il ne veut pas le donner. Naam. Celui qui me l'a donné, naam, m'a dit de ne pas le donner. Naam. Donc ce doua, inshallah ta'ala, est daif. C'est quoi la prochaine question, inshallah? Taïf, hors cours, tafadzalo, hors cours, tafadzalo. Donc la sœur qui a dit le doua, hada, la ilaha illallah al-azim karim, subhanallah rabbil arsh al-azim, hada, aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik, tout ça, ce hadith n'est pas vrai, comme a dit Cheikh Al-Albani. Oum Abdullah, de combien de temps est le délai pour reprendre la salat après un accouchement si l'Elohim ne s'arrête pas? Vous avez dit avant-hier, devant nous, mais je croyais que Allah Azza wa Jal était fille, sa main ne descendait pas fille de dunya. Comment doit-on comprendre sur la barakallahu fik? Taïb, je n'ai pas compris la deuxième chose. Vous avez dit avant-hier que lorsque l'on fait Takbir, Allah Azza wa Jal mettait son visage devant nous, ça. Mais je croyais que Allah Azza wa Jal était fils de main et ne descendait pas fils de dunya. Comment doit-on comprendre ce Naam? En ce qui concerne l'accouchement, quand une femme accouche, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne restaient pas plus de 40 jours. Le 41e jour, tu te laves bi-idhn azza wa jal, sauf si il y a les menstrues qui sont venues. Sauf si les menstrues ont suivi l'accouchement, tu attends que les menstrues se terminent. Naam. Mais s'il n'y a rien, c'est toujours le sang, le 41e jour, la femme doit se lever et commencer à faire la prière, d'après les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'après ce qu'a dit Cheikh Al-Albani. Maintenant, Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh Ibn Taymiyyah, alayhim rahmatullah, ont dit que il est possible que le sang reste 60 jours. Ils ont dit, il est possible que le sang des Lochis reste 60 jours. Naam. Ils ont dit, c'est pour ça qu'il est possible qu'une femme reste 60 jours. Mais moi, je ne sais pas, je ne suis pas très convaincu par cet avis. Je suis convaincu par, comme on dit, les femmes du prophète. Elles ont dit que en notre temps, la femme ne dépassait pas les 40 jours de Idd Azza wa Jal. Je dis sauf s'il y a les monstrues. Allah Azza wa Jal alam. Naam, vous avez dit avant-hier que lorsqu'on fait takbir, Allah Azza wa Jal mettait son visage devant nous. Naam, c'est vrai. Quand on dit Allah Akbar, Allah Azza wa Jal met son visage devant le visage de celui qui fait la prière. Alors, vous m'avez répondu, Jazakallahu khair. Et maintenant la sœur dit, je croyais que Allah Azza wa Jal était fils de sa main et ne descendait pas fils de dunya. Comment doit-on comprendre cela? Naam, Allah Azza wa Jal descend chaque nuit. Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône et descend chaque nuit jusqu'où? Il descend jusqu'au ciel, au premier ciel, le ciel de la dunya. Et il dit, comme vous savez tous, est-ce que quelqu'un s'est trompé, je lui pardonne, est-ce que quelqu'un veut se repentir? Je suis le repentant, est-ce que quelqu'un a quelque chose, je lui donne. Tout le monde, c'est cela. Donc, Allah Azza wa Jal est au-dessus du trône et il descend. Et il est au-dessus du trône et en même temps, son visage est en face de toi quand tu fais la salade. Car, pour que tu comprennes la chose, il ne faut pas mettre dans la tête que Allah subhanahu wa ta'ala est comme nous. Quand on dit que Allah est comme nous, on va se dire comment? En même temps, il est au-dessus du trône. Fils sa main, en même temps, il est en bas. Naam. Ça, la personne ne peut pas la faire. Mais Allah Azza wa Jalla est capable de tout. Comment? Explique-moi comment. Allah Ta'ala qui n'a qu'un seul visage, comment son visage, quand je fais la prière, il est en face de moi, et quand l'autre, aux États-Unis, fait la prière, le visage d'Allah est en face de lui. Pourtant, Allah n'a qu'un seul visage. Est-ce qu'une personne comme nous pourra mettre son visage en même temps deux fois ici aux États-Unis, ou là, 100 millions de fois, pour toutes les personnes qui prient, elle ne peut pas. Mais Allah Azza wa Jalla peut. Donc Allah Azza wa Jalla peut, tout en étant fils sa main, son visage est en bas, en face des gens qui font la prière. Car Allah Azza wa Jalla peut joindre entre les deux. Il est en haut et son visage est en bas. Non, il peut joindre entre les deux. Car Allah Azza wa Jalla peut joindre entre deux choses contradictoires. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, « Huwa al-awwal wa huwa al-akhir ». C'est le premier et c'est le dernier. Pourtant, nous, on ne peut pas. Nous, ou bien, si tu fais la course, ou bien tu es le premier, tu es le dernier, si vous êtes deux. Tu ne peux pas être premier et dernier à la fois. Non, Allah Azza wa Jalla, c'est le premier, c'est le dernier. Il peut joindre en des choses qui pour nous sont contradictoires. Donc, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a aucune contradiction. C'est très simple à comprendre, sauf si on s'est mis dans la tête que Allah Ta'ala, ma'ad Allah, est comme nous. Il est comme nous, c'est une personne comme nous. Elle ne peut pas être en haut et en bas en même temps. Non, si on a compris ça comme ça, on doit se corriger. Non. Autre chose, sinon on va commencer par Abou Youssef, comment ça se prépare, Abou Youssef 13. Est-ce que vous avez des questions hors cours? Je suis reconverti. Plusieurs personnes m'ont dit que si je me mariais, mon frère serait mon tuteur. Lui-même s'est reconverti, mais ne pratique pas la prière. Fait des choses illicites et vit en concubinage avec sa copine sans le halal. Naam. J'aimerais savoir s'il peut être mon tuteur malgré son comportement. Car, bien qu'il soit mon frère, je veux faire des choses dans les règles de l'islam. Et si l'islam ne l'autorise pas à être mon responsable, je préfère le savoir. Dans ce cas, qui peut devenir mon tuteur? Naam. Quelqu'un qui ne fait pas la prière se divise en deux sortes. Quelqu'un qui ne la fait pas, il dit, je ne reconnais pas la salat. Celui-là, c'est un kafir, il ne peut pas être ton tuteur. Et quelqu'un qui dit, qu'il la fait de temps en temps, il la laisse de temps en temps. Ou qui dit, il y a la salat, et je vais la faire, et il ne l'a pas encore faite. Celui-là, d'après Cheikh Al-Albani, il peut être ton tuteur. Non, il la fait de temps en temps, il la laisse de temps en temps. Ou bien il dit, je vais la faire, et il ne l'a pas encore commencé. Il peut être ton tuteur. Mais, si toutefois, tu pouvais faire ce que je vais te dire, c'est mieux. C'est quoi? C'est de choisir un autre tuteur, de choisir quelqu'un qui est représenté, par exemple, par l'État qui est musulman, c'est-à-dire par exemple, dans un centre islamique. Parce que ton frère qui ne fait pas la prière, certains ont dit même s'il veut la faire, il est un kafir tant qu'il ne l'a pas faite, comme disent tous les ulama de l'Arabie Saoudite. Donc toi, pour sortir des ikhtilafs, pour sortir des divergences, pour que ton zawaj, inshallah ta'ala, soit le plus halal du monde, bi'idna ta'ala, choisis un tuteur parmi, par exemple, dans le centre islamique, il y a des gens qui sont quoi? Qui représentent les musulmans. Dans ce qu'on appelle le Jaliyah al-Islam, les centres des immigrés, c'est-à-dire qui se trouvent en France. Sinon, tu peux demander à un imam qui est, masha'Allah, un imam qui suit l'État. Il y a des imams qui sont mis par l'État et qui sont, masha'Allah. Si tu ne trouves pas, ma'alish, un imam simple, un imam qui soit, masha'Allah, dans le din, tu peux lui dire, inshallah ta'ala, d'être ton tuteur. Et il te marie, bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. C'est mieux que le frère Adaf qui ne fait pas la prière, pour ne pas rentrer dans les problèmes et les divergences des ulama. Inch'Allah ta'ala. Naam. s'il faisait la prière, s'il faisait la prière, même en vivant avec une femme en concubinage, il pourrait être son tuteur. Même s'il boit, s'il buvait de l'alcool, il pouvait être son tuteur. Car ces choses-là ne le rendent pas kafir. Non. Mais quand il ne fait pas la prière, beaucoup ont dit qu'il est kafir. C'est pour ça qu'il faut l'éviter au maximum. Tayyib, inshallah, c'est quoi l'autre question, inshallah ta'ala? J'ai entendu que le cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que l'enfer avait une femme. Pouvez-vous expliquer ce qu'il a voulu dire? Par là, ça concerne les kuffars, barakallahu fik. Naam, cheikh l'islam, quand il a dit cela, il faudrait savoir deux choses très importantes. Deux choses très très importantes. Quelle est la première chose la plus importante? La première chose importante. C'est que, ou bien trois choses importantes. La première chose, ce n'est pas lui le seul qui a dit cela. Naam. Ibn Qayyim a dit cela dans Shifa al-Alil. Il a apporté beaucoup de délits que ça allait se terminer. Ça y est. Donc il n'est pas le seul. Deuxièmement, Cheikh al-Islam a dit cela et a dit aussi dans Majmou' al-Fatawa que celui qui disait cela, qui disait que la Wasma avait une fin, que c'était l'avis de Jahm, Jahmiya. Il a dit c'est Jahm ibn Safwan qui dit que la Wasma, l'enfer se termine. Donc, si quelqu'un me dit Cheikh l'Islam a dit que l'enfer se termine, je lui dis pourquoi tu cites seulement cette chose et tu cites pas quand il a dit que c'est l'avis de Jahm. Donc, on n'a pas de délit. Quand est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a dit ça d'abord? Ensuite, il a dit ça, c'est l'avis de Jahm? Ou bien il a dit c'est l'avis de Jahm? Ensuite, il a fait, il y a une idée, des preuves que l'enfer se terminait. Je crois que le plus proche, c'est de dire que Cheikh l'Islam a dit ceci quand il avait commencé son ilm. Comme Ibn al-Qayyim, quand il a commencé son ilm, il a écrit son livre Ruh. Il y a beaucoup de certaines fautes dans son livre. Pourquoi? Les ulama ont dit il était jeune, il venait juste de commencer. On doit dire la même chose sur Ibn Taymiyyah. Pourquoi? Parce que il a deux avis qui se contredisent. Donc tu ne peux pas dire qu'il a dit que ça se termine alors que dans l'autre avis, il dit que yani, ça ne se termine pas. C'est l'avis de Jahm. C'est Jahm ibn Safwan, l'égaré, qui dit cela. Donc voilà la réponse, Inch'Allah ta'ala, et voilà ce qu'on pense d'un grand savant comme Ibn Taymiyyah. Voilà ce que je pense de lui. Je pense que il a dit ça quand il avait commencé. La preuve, c'est qu'il a dit que ceux qui disent comme ça, c'est Jahm ibn Safwan qui a dit cela. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Donc si on dit seulement le premier avis et on cache son deuxième avis, on n'a pas été injuste envers lui, alayhi rahmatullah. Naam. Est-ce qu'il y a un autre sou'al? Abu Youssef, je t'enlève le poids rouge. Oum Abdullah, tafaddali. Oum Abdullah, pause. C'est quoi le sou'al? S'il y a des frères ou des sœurs qui m'ont écrit dans le Gmail, qu'ils profitent. Ah, je leur réponds maintenant, car mes réponses risquent de tarder les autres. Ah, ceux qui attendent l'écriture, ça risque de tarder. J'ai tellement de lettres. Faqir ilallah, tafaddali. Abu Youssef, je t'ai enlevé le point rouge. Salam alaikum. Cette question est un petit frère de 9 ans qui s'appelle Sofiane. Écoute, ah, Sofiane, je le connais, Sofiane. Non, Sofiane est son frère. Je dis qu'on est à deux. Ils font des rêves. Non, ils ont rêvé. L'un d'eux a rêvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoute, ce sont des questions. Par contre, au nombre de 3, une sur le cours et deux hors cours. Fadlallah, Sofiane, j'attends tes questions, inshallah ta'ala. Abu Youssef a dit, salam alaykum. Sofiane, je vais revenir, écris les questions le temps que je reviens, inshallah ta'ala. Salam alaykum, je voudrais savoir quand on fait un pacte avec Allah du genre, ya Allah, si tu m'aides dans mon problème, je ferai plus cette chose. Et qu'on ne peut pas le tenir. Est-ce possible de le rompre et de se racheter? Si oui, comment? Naam. Quand on fait un pacte avec Allah, du genre, ya Allah, si tu m'aides dans mon problème, je ne ferai plus cette chose. Et que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, il faut exaucer le vœu. Naam. On ne peut pas se racheter, il faut l'exaucer. si on n'exauce pas, on est rentré dans le hitm. On est rentré dans le hitm. Naam. Il n'y a pas de solution. Naam. Quand on fait un vœu de haram, on fait un vœu de haram, celui-là on n'exauce pas. Parce qu'on ne le fait pas. Mais si on fait un vœu de halal et quelque chose qu'on peut faire, on doit la faire. Naam, on doit la faire, surtout qu'il t'a aidé. Naam, chef, maintenant qu'il nous a aidé, là, on commence à oublier, on veut changer d'avis. Il faut au maximum essayer de faire cette chose, au maximum. Pour que l'Azawajal sache de toi que tu as essayé, au moins tu as essayé. Mais il faut au maximum, yani, pour ne pas rentrer dans les péchés. Naam, pour ne pas rentrer dans les péchés. Bi-ibnillahi Azawajal. Naam. C'est ça la solution. Sauf si c'est haram, on ne le fait pas. Naam. Sur le cours, est-ce que mentir par peur d'une personne et ensuite lui dire Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonner? Oui. On n'a pas terminé avec Abou Youssef. Je voudrais savoir, moi, je suis fragile, j'ai peur de tout, me dit. Abou Youssef, j'ai pas compris ta question. Je voudrais savoir, moi je suis fragile, j'ai peur de tout. Quand j'ai les dégâts de la guerre, j'ai pas compris cette question là, les dégâts de la guerre, j'ai pas compris. Ça y est, reformule le temps que je réponde à ce fien. Deuxièmement, comment faire chez un copain à l'école qui veut se convertir, qu'est-ce que je dois lui dire? Salitane, j'aime bien les animaux. Est-ce que comme chez nous, il y a chez eux des musulmans et non des musulmans? Barakallahu fik. Naam. En ce qui concerne la première question, si on ment à une personne par peur, ensuite, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Naam. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Même si on a menti par peur, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Allah Azza wa Jal, c'est celui qui accepte le repentir et celui le repentant, mais Allah Azza wa Jal est celui qui pardonne. Car mentir, on ne doit le faire que si on est vraiment dans une obligation. Vraiment dans une obligation. Donc si quelqu'un a menti, il faut Inch'Allah Ta'ala qu'il demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il lui pardonne. Ensuite, pour le copain de l'école qui veut se convertir, qu'est-ce que je dois lui dire? Tu dois d'abord lui faire comprendre que, yani, pour devenir musulman, il va croire, il doit, yani, croire, mais c'est quoi, attester, que il ne doit adorer qu'Allah Azza wa Jal et attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Naam, si il va reconnaître ça dans son cœur, yani, lui, il va commencer par poser des questions. Comment cela, etc. Tu lui expliques, tu lui dis que Allah Azza wa Jal a envoyé beaucoup de prophètes, à commencer par Adam alayhi salam, en passant par Nuh, Ibrahim, Moussa, yani Isa, beaucoup, Yaqub, etc. Ensuite, Isa, l'avant-dernier, Jésus alayhi salam. Ensuite, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu lui dis, on doit croire en tout cela. On croit en eux, et spécialement le dernier, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit suivre la chose qui nous a révélée. Il nous a révélé quoi? Le Coran. Donc, on croit en tous les prophètes et on suit le dernier. On ne suit pas les autres. Les autres, on croit en eux, c'est tout. Mais on suit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il est convaincu de cela, tu lui dis de dire, c'est tout. Tu lui dis, dis-le. S'il dit, Shadun la ilaha illallah, Shadun Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il est rentré en islam. Tu lui dis, il dit, Shadun la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a que Allah Ta'ala qu'on doit adorer et j'atteste que Muhammad est son prophète. En ce cas, Allah Ta'ala, il est rentré en islam. J'aime bien les animaux. Est-ce que, comme chez nous, il y a chez eux des musulmans et des non-musulmans? Il n'y a pas cela en les animaux. Il y a cela dans les djinns. Dans les djinns, il y a des djinns qui sont musulmans, il y a des djinns qui sont kuffars. Naam. Mais dans les animaux, il n'y a pas, car les djinns sont comme nous, doivent faire la salat, doivent faire la zakat, doivent aller au hajj. Mais les animaux, yani, même s'ils ont une salat, ils ont une salat spéciale que personne ne sait comment qu'elle est faite. Naam. Mais ils n'ont ni zakat, ni hajj, ni siyam ramadan. C'est pour ça qu'il n'y a ni musulmans, ni kuffars. Et le jour de la résurrection, Yom al-Qiyama, Allah Azza wa Jalla les fera venir. Ensuite, il prendra yani al-haq, car certains animaux, par exemple, se sont battus entre eux. Il prendra, yani, il donnera les droits à celui qui a, à l'animal auquel on a fait tort. Par exemple, un mouton qui avait des cornes a frappé un autre mouton qui n'a pas de cornes. Allah Azza wa Jalla demandera au mouton qui n'a pas de cornes de frapper le mouton qui a les cornes pour qu'il prenne yani, ses droits. Ensuite, quand les animaux auront pris leurs droits d'eux-mêmes et qu'ils auront aussi pris les droits des gens, parce qu'il y a certains gens qui ont fait du mal aux animaux, etc., alors Allah Azza wa Jal les rendra une poussière. Ils deviendront poussière, ils n'iront ni en enfer, ni au paradis. Sauf certains animaux, comme le mouton d'Ibrahim alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que faites la prière où il y a les moutons, ne faites pas la prière où il y a les chameaux. Quand on a demandé pourquoi, il a dit, dans un autre hadith, il a dit les moutons, ce sont les animaux du paradis. Naam. Et le chameau de Salah alayhi wa sallam, le chameau qui est sorti du rocher, certains ulama disent celui-là, il sera aussi au paradis. Et tous les autres animaux deviendront poussière. Bi'idhnillahi azza wa jalla. Pour Samir, à ta fadlali. Abu Youssef, je comprends maintenant ce que tu viens de dire. J'ai pas compris tout à l'heure. Et si moi je suis fragile, etc. Abu Youssef, tu essayes de faire le maximum. Ce que tu ne peux pas, la ralab. Ce que tu ne peux pas, ça te dépasse. Ce que tu ne peux pas, qu'est-ce que tu fais? Tu fais nourrir 10 pauvres. Mais à condition que la chose, elle dit, ce n'est pas haram. Ce n'est pas, par exemple, quelque chose de haram. Et tu dis, classe, moi je peux pas. Donc je vais faire cette chose, je vais faire le haram. Le haram, tu dois t'éloigner, même sans faire le vœu, sans faire le nidr, on doit s'éloigner du haram. Maintenant, si c'est autre chose halal, tu n'as pas pu, tu fais, inshallah ta'ala, nourrir 10 pauvres. Bi'idhnillahi azza wa jalla. L'Ukht Samira, tafadhali. Abu Asya, prépare ta question, inshallah ta'ala, pour qu'elle passe directement. Est-ce que dans la salle, il y a une question? Omar Abdullah, est-ce licite d'aller étudier dans l'islam dans un pays musulman sans mahram? Deux de mes amis puis revenir, ou faut-il absolument avoir un mahram, sachant que ce voyage a pour objectif l'apprentissage de l'islam? Ah, d'accord. Naam. Les ulama ont dit que il est vraiment difficile. Salam alaykoum, à propos de mon email, au nom de... Naam, je vais le voir, inshallah ta'ala. Je disais que il n'est pas permis à une femme d'aller dans un autre pays à cause de la science. À cause de la science, si elle n'a pas de mahram. Ça, c'est l'avis de Jumhur ulama. La plupart des ulama disent comme ça. Certains ont dit qu'il est permis à la femme de voyager si elle est dans un groupe, yani, où il y a la sécurité. Un groupe, yani, où il y a la sécurité, certains ulama, yani, même certains grands ulama, ont permis. Mais la plupart ont dit que, yani, elle ne part pas dans un autre pays sans mahram. Car, déjà dans le voyage lui-même, il peut qu'il lui arrive des choses dans le voyage. Même, Quelqu'un me parlait hier du bateau. Le bateau qui s'est noyé il y a, je ne sais pas, un an ou là, qui partait de l'Arabie Saoudite vers l'Égypte. Tout le monde connaît ce bateau. 1000 et quelques personnes sont mortes. Non, quelqu'un qui était sur le bateau a raconté à cette personne qui m'a raconté hier. Il m'a dit, si tu voyais les femmes qui étaient sur le bateau, qui n'avaient pas de mahram, les pauvres, naam, n'avaient pas de mahram. Imaginez, quand le bateau a commencé à couler, tout le monde cherchait avec la bouée de sauvetage. Mais les femmes qui avaient des mahrams, ce sont leurs mahram qui ont fait yani, le maximum et ils leur ont ramené des bouées. Mais les femmes qui étaient sans mahram, c'est qu'une seule, khlas, abandonnée, hein, la plupart ont été noyées. La plupart, elles sont toutes mortes. Yani, qaddar Allah ma sha fa'al, si le mahram était là, il avait aidé. Le mahram, quand il est avec toi, il aide. S'il y a des problèmes, il est là, il défend. C'est pour ça que les ulama ont dit, le mahram pour le voyage, ce n'est pas obligé qu'il soit un musulman. Si la femme n'est pas musulmane, le mahram, ce n'est pas obligé qu'il soit musulman. Son père, c'est un kafir, il peut être son mahram pour le voyage. Il ne peut pas être son tuteur pour le mariage. Il peut être, mais il peut être son mahram pour le voyage. Pourquoi? Parce que le mahram ne fait rien en islam. Ne va pas faire quelque chose dans le dîn, ne va pas se marier. Il va seulement te défendre. S'il y a quelque chose, il se défend. Moi, je prends de cet avis que, de préférence, une femme ne voyage pas sans mahram, sauf si elle est dans l'obligation. Si elle est dans l'obligation, yani, ou là, elle est vraiment dans un groupe vraiment, yani, sécurité, peut-être. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Naam, c'est difficile d'aller dans un autre pays, se trouver seulement des femmes là-bas, aucun homme avec elle, ce n'est pas une chose facile. Naam, et le ilm, inshallah ta'ala, elle peut l'apprendre même dans le pays où elle est. Même dans le pays où elle est, elle cherche des sœurs, mashallah, qui ont le ilm. Elle commence à apprendre l'arabe, elle apprend le tajwid. Car Allah Azza wa Jalla n'a pas demandé à tout le monde d'être un savant. Il a demandé d'apprendre le minimum qu'il faut. Apprendre l'arabe, apprendre la aqida, apprendre le fiqh, naam, ça lui suffit. C'est pas, yani, elle part dans un pays pour qu'elle devienne une femme de science. Il lui suffit seulement qu'elle sache comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science. Naam. Il y a maintenant beaucoup d'issues ou de chez soi à travers l'internet et ça on apprend beaucoup de choses. Maintenant je vois qu'il y a des salles d'arabe dans l'internet. Dans l'internet tu es assis chez toi et il y a des gens qui t'apprennent de l'arabe. Masha'Allah, masha'Allah. Naam. Laisse la aqida, etc. etc. Naam. Et maintenant je réponds à la sœur qui vient de me poser la question au nom de Kada Kada. Une seconde, inshallah ta'ala. Je vois seulement. Oumar Abdullah, pour la sœur dont tu viens de me montrer le pseudo, est-ce qu'elle a envoyé la lettre aujourd'hui? Est-ce qu'elle a envoyé sa lettre aujourd'hui? Naam. Et est-ce que son nom c'est comme ça? Parce que je vois un nom qui lui ressemble, mais c'est pas comme ça. Je vois un nom qui lui ressemble, mais n'est pas comme ça. Il commence par, ce nom commence par Selima. Ce nom commence par Selima. Ensuite, il y a le deuxième que tu m'as donné. Est-ce que comme ça elle s'appelle? Est-ce qu'elle s'appelle Selima quelque chose? Naam. Donc, j'attends, inshallah ta'ala, ta réponse. Abu Asya tafaddal. Elle dit que c'est elle, masha'Allah. Non, elle dit que c'est elle. Tayyib, cette sœur parle d'un livre qui s'appelle Bidayat al-Mujtahid de Ibn Rushd. Elle dit, est-ce que c'est un bon livre? Cet homme était-il sur le minhaj? Sinon, quelles sont ses erreurs? Non. Si c'est ça la question, elle écrit numéro 1. Si c'est ça la question, elle écrit numéro 1. Car j'ai cru qu'elle avait une question avant celle-là. J'ai cru avoir vu ce nom. Avant cela, sallallahu alam. Cette lettre vient d'arriver aujourd'hui. Naam. Je disais que... Omar Abdullah, quand est-ce que tu as écrit numéro 1? Je n'ai pas vu. Est-ce que tu l'as écrit maintenant ou là tout à l'heure? Est-ce que tu as répondu à ce que je viens de dire maintenant ou là il y était déjà? Quand j'ai parlé du livre Ibn Rushd. Ah, d'accord. D'accord. Le livre Bidayat al-Mujtahid, c'est pas un livre que quiconque peut lire. D'ailleurs, quelqu'un qui est débutant, je ne lui conseille pas ce livre. Quelqu'un qui est débutant, bi'idhni azza wa jalla, je ne lui conseille pas ce livre. Ce livre, déjà le titre suffit. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Yani, c'est un livre pour quelqu'un qui va devenir un mujtahid, un grand alim qui va donner des fatwas. Pourquoi? Car ce livre, il te dit pourquoi les ulamas ont divergé, à cause de quoi. Hein? Il te dit les quatre grandes écoles, qu'est-ce qu'elles ont dit, les quatre grandes écoles dans chaque mas'ala, dans chaque chose, qu'est-ce qu'elles ont dit. Il dit, Imam Malik a dit ceci, l'autre a dit ceci, l'autre. Les quatre, qu'est-ce qu'ils ont dit et pourquoi. Pourquoi cette école a dit comme ça et cette école a dit comme ça. Donc ce livre ne te sert pas, ne te sert à rien si tu veux savoir quel est le plus juste, quelle est la vie le plus juste pour adorer Allah. Il ne te sert pas. Ce livre te dit seulement voilà pourquoi ils sont divergés. Ils ont divergé. Si tu es un alim, pour que tu saches la cause, c'est tout. Donc il n'est pas conseillé pour quelqu'un qui vient juste de commencer le ilm ou là qui est moyen. Il est conseillé à quelqu'un qui est assez fort et qui va devenir un alim bi'ibn azzawajal. Quant à sa aqida, na'am, il avait quelques problèmes. Na'am, il avait quelques problèmes yani, dans la aqida et dans les attributs, etc. Na'am, il avait des problèmes en ce sens. Dans la aqida et dans les attributs bi'ibn azzawajal. Na'am. Donc, de toute façon, le livre, c'est à déconseiller. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala alim. Abu Asya, j'attends ta réponse, inshallah ta'ala. J'attends ta question. Naam, bon, 5 minutes, inshallah. Abu Asya, elle est mise, là. Abu Asya, elle n'est pas mise. Moi, je vais dire quelque chose. Elle est affichée seulement sur ton écran. Naam. Naam. Elle est affichée seulement sur ton écran. Ton écran, pardon. Non, toi, tu la vois, Abou Asya. Nous, on la voit pas. Toi, tu la vois. Pour toi, elle est en face de toi, tu la vois. Nous, on la voit pas. Elle n'est pas sortie ici. Naam. Le faqir, t'a dit, non, on la voit pas. Faqir t'a dit, non, elle coupe là. Ça veut dire qu'elle n'est pas. C'est la première. Quelle première? Non, je ne la vois pas sur l'affiche. Je ne la vois pas. Non, mais voici, ça s'affiche uniquement chez toi. Ça ne s'affiche pas chez nous. Parce qu'elle est longue, ta question. Tu peux pas la poser, envoie-la à quelqu'un, il va la poser. Envoie-la à quelqu'un, il va bi'ibn azzawajal la poser. Ça y est, le faqir, tafaddal. Naam, Oum Abdullah, on a terminé, inshallah. Salam alaikum, il y a un frère a un problème. Lorsqu'il entend l'adhan ou du Coran, il a un sentiment de peur dans sa poche. Il me dit qu'il va chez un raqi, Allah alam, qu'il est dans le minhaj. Depuis plusieurs mois, lui prend de l'argent pour chaque consultation et ils sont toujours en situation. Qu'en pensez-vous? Que l'on vous plaisante. Naam, ça dépend du genre de peur. Naam, s'il a peur, parce que ça lui rappelle le jour du jugement dernier, ça lui rappelle, yani, des fautes qu'il a faites, etc., c'est une bonne peur. Comme ça a été les selfs. Les selfs, quand ils entendaient l'adhan, etc., ils devenaient jeunes, etc., ils avaient peur. Ils avaient peur pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont fait des fautes, etc., et tellement ils sont pieux. Mais si c'est une deuxième peur, c'est-à-dire si il commence par exemple son cœur à battre et il commence à trembler sans qu'il le veuille lui, ça veut dire que celui-là, ça, il doit faire une ruqya et changer de raqi. Il ne doit pas aller dans le même raqi hada puisqu'il n'a rien trouvé avec lui. Il doit chercher un autre raqi bi'idnillah azza wa jal. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala lui fera une issue. Une issue, inshallah ta'ala. Naam. C'est comme je viens de dire, d'après la peur. Naam. Car il y a deux sortes de peur. Naam. Il essaye, inshallah ta'ala, un autre raqi. Et il voit si c'est quelque chose de. Il a un djinn ou là c'est quoi. Mais si c'est l'autre peur, inshallah ta'ala, c'est une peur normale, c'est une bonne peur. طيب اسمه هذا ابو اسيا واش كاين تا كيسيون ابو اسيا ابو اسيا جاتون تا كيسيون طيب ابو وام عثمان ابو وام عثمان تفضل ابو وام عثمان On épouse un demi-chrétien hors mosquée. Naam, doit-elle se lever avant chaque salat? Tayyib. Il y avait aussi une autre question. Pour la salat de Jumwa, doit-elle se lever juste après le Adam, début de la khutba, ou doit-elle attendre que l'imam finisse la khutba et qu'il va commencer la prière? Naam, awalan. En ce qui concerne la salat normale, elle doit se purifier avant chaque salat. Naam, elle doit se purifier avant chaque salat. Mais si elle se lave, par exemple, elle se lave avant le dhuhr, elle peut faire en même temps dhuhr et asr pour une femme qui a hémétroragie. Si elle se lave à cette condition, si elle se lave par exemple avant le dhuhr, elle peut faire après le lavage dhuhr et asr. Et si elle se lave après le maghrib, elle peut joindre entre maghrib et isha, les deux, yani, pour alléger un peu. Sinon, qu'est-ce qu'elle fait? Avant chaque salat, elle se lave les parties intimes, elle met quelque chose, une bande par exemple, et elle fait les ablutions juste avant de rentrer dans la salat. C'est comme ça qu'elle doit faire, Inch'Allah Ta'ala. Et pour la salat de Jumwa, doit-elle se purifier juste avant le Adhan, début de la khutba, ou doit-elle attendre que l'imam finisse la khutba et qu'il commence la prière? Je crois que si elle attend jusqu'à ce qu'il termine la prière, je pense, Allah Ta'ala, que c'est difficile. Je pense, d'après mon avis, Allah Ta'ala alam, que yani, elle fait les ablutions, elle se purifie avant de rentrer dans la mosquée avant qu'il commence la khutba. Ensuite, yani, la khutba et la salat yani, sont collées. Yani, ça compte une seule fois. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ça c'est mon avis. Maintenant, je veux dire autre chose. Non, maintenant, si elle sait, yani, si c'est facile que elle fasse le wudu avant la salat, qu'elle le fasse. Yani, si elle peut, et elle sait que elle peut faire le wudu avant la salat, non, qu'elle le fasse. Mais c'est un peu difficile, je ne sais pas comment elle peut faire. Allah subhanahu wa ta'ala. Des sœurs de différents minhajs se regroupent, salafis et autres, chacune fait des recherches, et lors des réunions, chacune fait part aux autres de ses recherches. Puis-je prendre ma science de cette manière et assister aux réunions, sachant que je suis minhaj salafis? Naam, c'est très difficile. Donc tu le fais, inshallah ta'ala, avant la khutba. Naam, des sœurs de différents minhajs se regroupent, salafis et autres, chacune fait des recherches et lors des réunions, chacune fait part aux autres de ses recherches. Puis-je prendre ma science de cette manière et assister aux réunions, sachant que je suis minhaj salafi? Tu ne peux pas prendre la science de cette manière. Naam. Car les sœurs, et surtout celles qui ne sont pas salafiyas, surtout celles-là, elles vont écrire des choses, des fois qui sont fausses. Et des choses qui n'ont rien à voir avec yani l'arjah. Et elles croient que c'est ça le plus juste. Et elles vont vous le donner alors que c'est faux bi'idhn la azawji. Une seconde, inshallah, je réponds au téléphone. Une seconde, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Et pour la sœur d'abord, pour hadal wasmu. Pour le wudu dont on vient de parler de la khutbah, celui-là aussi, je vais l'écrire, Bidna Ta'ala, je vais l'écrire pour être plus sûr. Ensuite, est-ce qu'elle est là, la sœur qui m'avait demandé est-ce qu'on doit répéter l'adhan quand on l'entend sur la radio ou l'internet? Elle m'a dit, est-ce qu'on peut répéter avec le adhan ou on ne répète pas? Si elle est là, la sœur, elle me dit oui. Et pour celui qui a dit, je tue les abeilles, il a dit, je tue les abeilles pour faire l'insémination, etc. S'ils sont là, ils me disent Inch'Allah Ta'ala. Je répète, pour le ilm, elle ne prend pas le ilm de cette manière. Car des sœurs font des recherches et elles n'ont pas de ilm. De recherche, c'est des choses très très simples et à 90% fausses. Elles n'ont pas de ilm. Comment qu'elles peuvent faire les recherches? Elles vont aller dans un livre et elles vont grouper. X a dit, ce Y a dit, et elles vont te dire voilà ce qu'il faut faire. Alors que ce n'est pas vrai. Donc, il ne faut pas prendre le in de cela, ni assister. Sauf s'il parle, si elle parle dans une chose commune. Elle parle par exemple du tajwid, tajwid du Coran, par exemple. Et comme ça, dans le ilm, il vaut mieux ne pas. C'est pas il vaut. On ne peut pas prendre un ilm, le ilm de celle-là. Et il vaut mieux ne pas assister avec elle pour ne pas les encourager. Car elles vont dire, je suis sûr qu'elles vont dire n'importe quoi. Elles vont dire n'importe quoi. Naam. C'est pas n'importe qui fait des recherches. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous vous groupez pour au moins, si elle fait halqa amma, si elle fait quelque chose, halqa amma, c'est pas ilm. Elle fait comme ça juste pour parler de taqwa, de kaza, quelque chose de général. Plus ou moins. Et si elle va parler de ilm, haram, halal, je peux pas assister avec celle-là. Peut-on rentrer dans une mosquée quand on est en état de monstru pour assister à un cours hebdomadaire, sachant que ce n'est pas la salle de prière principale? D'après Cheikh Al-Albani, tu peux rentrer. D'après Cheikh Al-Albani, tu peux rentrer quand ce n'est pas une salle de prière principale pour assister le cours hebdomadaire, Inch'Allah Ta'ala. Peut-on fêter un mariage dans une mosquée sans musique? On ne peut pas. On ne peut pas fêter un mariage dans une mosquée sans musique. La mosquée n'est pas faite pour fêter les mariages. Elle est faite, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les zikrillah. Elle est faite pour zikr Allah azza wa jal. Allah ta'ala a dit, fi buyutin adhina Allahu an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an zikrillah. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tayyib. Munir 77. Munir 77. J'ai déjà dépassé de 10 minutes. Hein? Salam alaikum wa rahmatullah. Doit-on dire bismillah avant de vider de l'eau bouillante dans l'évier? La mendicité est-elle haram? Naam, de préférence, on dit bismillah quand on dit un zikr. On dit un zikr. Hein? Pourquoi? Parce que quand on jette de l'eau bouillante, comme tu dis, des fois il y a des djinns. Des fois il y a des djinns qui sont dans l'évier et dans le, où il y a quelque chose de chaud, où il y a la souillure, etc. Naam. C'est pour ça que si tu dis bismillah, c'est pour te préserver. La mendicité est haram. Il est haram à quelqu'un de demander quelque chose de, en étendre sa main. Il est haram. Naam. On ne doit pas tendre la main, inshallah ta'ala. Naam. Je termine le dernier quart d'heure, puisque maintenant j'ai commencé, je dois terminer. Je dois terminer le dernier quart d'heure qui reste, Inch'Allah Ta'ala. Après, il reste 15 minutes. J'ai ajouté une demi-heure, donc après 15 minutes, Inch'Allah Ta'ala, je ferme Bi'idna Ta'ala directement, sans vous demander, et vous m'excuserez Bi'idna Ta'ala, naam. Sha-sha-ma-sha, ou quelque chose comme ça, faddal. Kika barakallah, Mounir. Tayyib. Sha-ma-sha. 16, tafadhal. Salam alaikum. Première question. Qu'Allah vous élimine les meilleurs vos efforts. Alhamdulillah. Barakallah. Est-ce la gélatine, c'est halal ou haram? En sachant que la gélatine, c'est les oreilles et la peau du cochon et qu'ils sont transformés en gélatine en ajoutant des produits chimiques dans la matière de base qui est le cochon en subit une transformation. Naam, ce que je sais, c'est que toute chose qui subit des transformations, si elle subit des transformations au point, où elle n'existe plus, au point, où elle n'existe plus, bi'idhn azza wa jal, les ulama ont dit c'est permis. Si elle subit une transformation au point où il n'existe ni son odeur, ni sa couleur, ni son goût. Naam. Inch'Allah ta'ala, ce que je sais, c'est que c'est permis. C'est comme l'alcool par exemple, si elle subit une transformation, et devient de l'eau. Donc cette eau, c'est permis. Naam. Si par exemple un animal, par exemple supposons un cochon ou un porc, meurt, hein, ensuite il meurt devant la mer, ensuite il va se transformer, il va devenir du sel. Ce n'est plus un cochon, c'est du sel. Allah Ta'ala alam. Qu'Allah Ta'ala vous guérisse. Amin, rapidement. Cher, j'ai toujours la niaise de faire la hijra, mais vu la difficulté qui est devenue rama pour l'Arabie, vu la difficulté de ramasser cet argent pour acheter une maison bled, pour essayer de s'installer définitivement avec sa famille, avez-vous la possibilité d'aider les musulmans pour essayer d'émigrer au Koweït ou en Arabie? Shirim Timir, Jazakumullahu Khairan, Barakallahu. Premièrement, en parlant de l'Arabie, en Arabie c'est très difficile. C'est très difficile et je n'ai vraiment pas de connaissances là-bas, si ce n'est Cheikh Abdelmalek Ramadani Hafidhahullah. C'est le seul que je connaisse là-bas, qui soit yani, le plus, disons, important. Je connais d'autres frères, mais qui n'ont rien en leurs mains. Alors Cheikh Abdelmalek Ramadani lui-même, yani, il a un peu souffert pour avoir sa iqama. Yani, ce n'est pas facile d'Arabie Saoudite, surtout maintenant. Maintenant, ceux, Allah Ta'ala alam, ceux qui ont la nationalité française, je ne sais pas. Peut-être pour eux, on leur facilite un peu. Je ne sais pas. Mais pour un Algérien, je sais que c'est très difficile, l'Arabie Saoudite. Quant au Koweït, naam, il faut connaître ici un Koweïtien. Naam, il faut connaître un Koweïtien pour faire venir un étranger qui n'est pas du Koweït au Koweït. Ou alors, s'il a la nationalité française, On lui donne le visa ici à l'aéroport, mais il faudrait que la personne ait un diplôme, par exemple, pour travailler ici. Il faudrait qu'elle ait un diplôme pour travailler ici. Car ici, il y a un centre spécialement qui s'occupe des étrangers en ce qui concerne leur apprendre l'islam. Il y a un centre pour apprendre l'arabe, pour apprendre l'islam, pour apprendre pour les autres nationalités, pour les Bengales, les Philippines, les Philippinais, les Hindous, toute personne qui rentre en islam, il y a un centre ici qui est spécialement conçu pour cette chose. Maintenant, pour le travail, il faut que quelqu'un ait un diplôme et des connaissances pour pouvoir travailler ici. Si maintenant celui qui m'écrit, tu m'envoies ton curriculum vitae, ton PV, je vois moi qu'est-ce que tu as comme diplôme, bi'idna ta'ala. Si c'est quelque chose que je peux faire, je pourrais faire, je ferai inshallah ta'ala. Naam, si c'est un frère ou une sœur qui va venir avec quelqu'un de mahram ou là, je peux faire quelque chose, inshallah ta'ala, je ferai. Je sais qu'il y a une sœur qui était en France. Je sais qu'il y a une sœur qui était en France et qui est venue ici. Je ne sais pas chez qui. Elle a fait la hijra ici. Je ne sais pas chez qui. Si c'est de la famille ou là, je ne sais pas chez qui. Et que ça fait l'été passé, elle s'est mariée ici avec un Koweïtien. Elle s'est mariée. Elle est venue de France. Elle s'est mariée avec un Koweïtien. Et le Koweïtien, il a dit aux gens que yani, cette sœur était vraiment mashallah. Il a dit que cette sœur était vraiment mashallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Donc on voit, mashallah ta'ala, on verra. Naam. Oum Abdullah, qu'elle envoie sa question. Puisqu'elle est urgente, pourquoi qu'elle ne profite pas, elle ne l'envoie pas maintenant? Qu'elle l'envoie, mashallah ta'ala, maintenant. Il y a des frères qui demandent quand est-ce le salon pour inviter les chrétiens à l'islam va être ouvert. Naam. Il va être ouvert, inshallah ta'ala. Chauffe, ici au Koweït, on est en vacances. Les enfants, les élèves ont 15 jours de vacances. Aujourd'hui, c'est terminé la première semaine. Aujourd'hui, samedi, on est dans la deuxième semaine. Donc la semaine prochaine, inshallah ta'ala, la salle va s'ouvrir. C'est-à-dire que on va ouvrir, bi'idna ta'ala, cette même hadith, le minhaj sahih à fond d'islam, va s'ouvrir en Europe. Yani, au lieu de rentrer, comme vous rentrez maintenant religion, etc., vous rentrez Europe, France, ensuite vous trouverez la salle bi'idna azzawajal, des fois là-bas et des fois ici, d'après le programme qu'il y aura. Donc ceux qui ne savent pas cela, ils ne vont pas savoir que je suis de l'autre côté, et beaucoup d'autres vont leur partir. Inch'Allah ta'ala, ce sera d'après un programme que je vous donnerai, inshallah ta'ala. Naam. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent Europe, France, ensuite ils rentrent dans des salles et ils n'apprennent rien. Naam. Donc on a pensé que si on apprenait aux gens l'islam, Allah ta'ala alam. Inch'Allah ta'ala. Taïb, maintenant il y a une question qui est venue ici, je la lis très vite. Pour des raisons médicales, je dois faire de la natation. En France, je ne trouve pas ça. J'en ai trouvé deux à Lille et Lyon, mais c'est très loin de chez moi. Je vis en banlieue parisienne. Donc ma maladie peut arriver jusqu'à la paralysée et bien sûr elle s'aggrave si je fais rien. Donc j'aimerais savoir si je peux aller dans les piscines mixtes à des horaires où il n'y a pas de monde pour pouvoir faire ce que le médecin m'a demandé de faire pour aller mieux, Inch'Allah. Non, je redis, pour des raisons médicales, je dois faire de la natation. En France, je ne trouve pas ça. J'en ai trouvé deux à Lille, mais c'est très loin de chez moi. Je vais en banlieue parisienne. Donc, ma maladie peut arriver jusqu'à la paralysie. Et bien sûr, elle s'aggrave si je ne fais rien. Donc, j'aimerais savoir si je peux aller dans des piscines mixtes à des horaires où il n'y a pas de monde pour pouvoir faire ce que le médecin m'a demandé de faire pour aller mieux, Inch'Allah ta'ala. Non, mais c'est une question très difficile. Non, c'est une question très difficile et qui dépasse mon niveau. Non. Car, yani, au moins, je ne sais même pas si c'est un frère ou une sœur. Je ne sais même pas si c'est un frère ou une sœur. Premièrement, non, une sœur, yani, c'est encore plus grave quand c'est question de mixité. Non, une sœur, c'est encore plus grave quand c'est question de mixité. Non. Premièrement, je ne sais pas, yani, s'il y a des maladies qui vraiment ne guérissent que par natation. Je ne sais pas, peut-être c'est nouveau, peut-être avec la science, ça a été découvert, je ne sais pas. Mais tout le monde a vécu autrefois, il n'y avait pas la piscine. Et beaucoup de monde ont vécu, quand des gens, il n'y avait pas de mer. Des endroits où il n'y avait pas de mer, et personne n'a obligé quelqu'un d'aller faire la natation. Et maintenant, je dis, c'est possible que ce soit une maladie spéciale. C'est possible que ce soit une maladie spéciale. Si c'est une maladie spéciale où vraiment, yani, il faut faire de la natation, il faudrait, yani, trouver une solution. Cette solution, je dois, bi'idna ta'ala, demander. Je dois demander et lui rendre, bi'idna azza wa jalla, la réponse. Non, je dois demander et lui rendre, bi'idna azza wa jalla, la réponse. Je vais écrire ici. Non. Non, car Allah subhanahu wa ta'ala.